alors que vous insultez le prophète, la source la plus sacrée pour les musulmans, en disant, au nom de la laïcité, arrêtez de dire c'est les musulmans qu'ils ont tué. Les musulmans, ils ont tué personne. Alhamdulillah, louange à Dieu, louange à Dieu qui nous a permis de vous tuer chez vous, à Paris. Louange à Dieu qui va rentrer dans vos cœurs la peur. Je m'adresse maintenant aux musulmans français. Faites ce que vous pouvez pour les affaiblir, pour les frapper. Remember lads, subscribe to PewDiePie. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 11. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite, si vous souhaitez nous soutenir, à nous faire des dons exclusivement en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Monero, voilà, au choix. On recommande plutôt Monero pour un anonymat total. Bon, ça c'est vraiment si vous êtes soucieux de cette question-là, mais sinon les autres monnaies sont très bien aussi. Je vous invite aussi à partager le PDF hebdomadaire de notre démocratie participative, comme ça, ça permet de partager tous les articles de cette façon, de lutter contre la censure, comme j'ai déjà expliqué. Il s'agit de disséminer nos articles pour qu'ils ne soient pas censurés. Hein. Voilà, c'est une forme d'archivage en fait, hein. Il y a des articles de fond qui restent toujours d'actualité. Maintenant que j'ai dit ça, je vais présenter nos membres présents cette semaine. Je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Magda est également avec nous cette semaine. Salut Magda. Salut à tous les amis. Alex est présent aussi. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert, bien sûr, est avec nous. Salut Fulb. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gandalf. Derek, enfin, est présent aussi. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, et salut les auditeurs. Alors, nous commençons sans transition par la première rubrique de notre émission, Courrier des lecteurs. Nous en avons deux cette semaine. Alors, c'est une réponse apparemment à la demande que tu avais formulée la semaine dernière, hein, je crois, par rapport aux étudiants étrangers, je crois. Je crois que tu avais demandé un truc comme ça. Voilà, hein, voilà. Bon, alors voilà la réponse. Bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative, et merci de me faire rire chaque matin lorsque je prends le métro. Salut à toi, cher ami, cher camarade. Je vous écris pour répondre à votre demande de témoignage de personnes étudiant à l'étranger que vous avez faite lors de la dernière intervention. Je veux bien volontiers comparer mon expérience avec la situation en République française, entre guillemets. Pour commencer, je suis étudiant dans une bonne université britannique. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, simplement pour préciser qu'il n'y a pas autant de grandeur que dans certaines facs françaises. Ayant de la famille dans ce pays et voulant éviter les cracheurs de feu de Paris 4, j'ai décidé de faire ma licence avec un cursus outre-Manche en relations internationales. Ainsi, après avoir torché la parodie d'examen qu'est le bac, j'ai pu débuter mes études là-bas. Il faut savoir que ce pays est très, très candole, voilà, pour citer Henri de Lesquin, mais d'une manière très différente de la France, et je pense que les comparaisons peuvent être intéressantes. Déjà, il faut savoir que les étudiants anglais ne représentent pas une écrasante majorité et qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves du Golfe, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est qui viennent ici pour parfaire leur éducation, ou plutôt pour en débuter une compte tenu de la gueule de leur pays d'origine. Je dirais donc qu'il y a 50% d'anglais de souche, 20% d'asiatiques, 15% d'arabes et 15% d'africains ou caraïbéens. Les Anglais désertent souvent les filières scientifiques et font des filières poubelles du style sociologie ou gender studies, donc études dites de genre. Inutile de dire que ces guignols sont généralement des gauchistes du même genre que ceux que l'on produit en France. Les élèves arabes, eux, sont les moins atteints mentalement, même si, entendons-nous bien, ils n'ont rien à foutre en Europe, et sont souvent bien plus conservateurs et anti-multiculturalistes que les autochtones. Bon, c'est intéressant. Et là, il parle précisément des Arabes du Golfe, hein. C'est pas des Maghrébins, donc c'est les Arabes du Golfe. Donc je présume de famille quand même assez riche. Alors, je vous partage un premier exemple. En première année, une prof gauchiste nous avait incité à participer à des manifestations anti-Trump lorsque le légendaire blondinet avait été élu. La prof, une blondasse américaine au QI négatif, avait dit « Nous ne pouvons pas laisser passer un fasciste ». Et là, un arabe, style Saladin, avec une barbe encore plus stylée, lui répond depuis son siège « Les fascistes, c'est pas ceux qui contestent les élections démocratiques ». Échec et mat, la gauchiste blanche avait été remise en place par un racisé, elle ne savait pas quoi dire et a changé de sujet. Et des exemples de bougnoules remettant en place les profs gauchistes, j'en ai des tonnes. Incroyable que ce soit eux qui doivent faire le boulot à la place des blancs, bientôt ils expliqueront aux profs blancs en quoi la réémigration est vitale. J'en doute quand même, hein. Comme je le disais, les élèves blancs sont souvent des gauchistes, du moins ceux de la classe moyenne et de la petite bourgeoisie. Il y a quelques gosses d'ouvriers, souvent d'origine irlandaise, qui sont un peu moins atomisés psychologiquement. Enfin, vu qu'il y a pas mal, pardonnez-moi, de gosses de riches, on retrouve l'équivalent de la bourgeoisie catholique versaillaise, mais version britannique. Cette dernière catégorie est composée d'anglais plutôt de droite par tradition, mais de droite orléaniste républicaine, le genre de type qui croit encore à l'assimilation et qui pense que réduire le nombre d'immigrés légaux suffit à freiner l'invasion migratoire. On a les mêmes en France, mais il est important de comprendre qu'ils représentent ce qu'il y a de plus à droite dans mon université, ce qui est assez désolant. Par honnêteté intellectuelle, je vais parler des Européens de l'Est, qui, je le sais, sont souvent appréciés par les démocrates participatifs pour leur bon sens naturel. Et bien là, on en a effectivement 2-3, par-ci, par-là, qui sont bien à droite, mais ils ne le manifestent pas. En effet, comme leurs pays sont 100% blancs, ils se foutent de ce qu'il se passe en Angleterre et ne se sentent pas concernés, et évitent de gâcher leur énergie avec des gauchias. Il y en a aussi qui sont occidentalisés, mais ils restent minoritaires, Dieu merci. Jusqu'ici, j'ai peut-être fait un peu du soral en louant le conservatisme des racisés arabes. Il y a tout de même un certain activisme politique anti-blanc très implanté dans l'université. Il est souvent pratiqué par des Pakistanaises ou des Noiros d'eux ayant la citoyenneté britannique. Ces grognasses rêvent beaucoup de leur Wakanda qu'elles ont déserté. Une fois, pendant un cours sur les anthropologues et les religions primitives, genre ce que Lévi-Strauss pense des maisons guinéennes en forme de chibre, une énorme Pakistanaise suintant la graisse s'est levée pour se plaindre que le cours était eurocentré, parce que tous les anthropologues que l'on étudiait étaient blancs. La prof, une gauchiste californienne, commençait déjà à trembloter et s'apprêtait sûrement à se confondre en excuses lorsqu'un élève intervint pour répondre à la truie des montagnes. Celui-ci, une espèce de bourgeois filiforme à la Henri de Lesquin, lui a gentiment expliqué que c'était les Européens qui avaient parcouru le monde en premier et qui, par conséquent, avaient pu réaliser le plus d'études sur les peuplades étrangères et que ce n'étaient pas les Pakistanais qui passaient leur journée à enculer des chèvres qui auraient pu faire des études semblables sur les Européens. L'élève s'est plainte et l'héroïque démocrate participatif qui s'ignorait a reçu un rappel à l'ordre de la part du prof. Anecdote finale. Il y a 2 ans, alors que je venais de rentrer dans mon université, un comité d'étudiantes panafricaines s'est plainte que les bustes des fondateurs du département de psychologie de l'université étaient uniquement des mâles blancs et qu'elles se sentaient en insécurité face à ces mâles barbus. Le département, soumis, a accepté de retirer ces bustes. Je ne sais pas s'ils ont été remplacés par des prix Nobel africains. Je passerai y jeter un œil à l'occasion et ne manquerai pas de vous avertir si les frères Pogba et leur maître de thèse ont obtenu leur place bien méritée à l'entrée du département. Au niveau purement académique, leurs facs du Russell Group, genre le top 25 anglais, sont globalement au-dessus de ce qu'il y a en France, même si je pense que les petites structures style ENS, certains cursus à Assas-Sorbonne et les prépas restent bien meilleurs. Il y a tout de même une bonne liberté d'expression, puisque lors des dissertations, nous sommes obligés de choisir un camp, c'est en fait la méthode anglaise. À la question « La guerre en Irak était-elle justifiée ?», pas de thèse, antithèse, synthèse, c'est une réponse tranchée qui sera rendue. On a donc en théorie la possibilité de déglinguer l'Union Européenne ou les ONG dans nos devoirs. Bizarrement, j'ai toujours eu de meilleures notes lorsque j'étais Charlie compatible dans mes argumentations. En gros, la liberté d'expression va de l'extrême gauche jusqu'au centre droit. Mais on peut tout de même se permettre quelques libertés qui seraient impensables à la fac du Mirail. Si l'on prend un peu de recul, je dois vous avertir que le grand remplacement en Angleterre est encore plus avancé que chez nous. Les classes d'écoliers, c'est 50% de nègres, 20% d'asiatiques et maximum 30% de blancs, avec bien sûr des variations selon la réputation de l'école en question. Les statistiques officielles de mon quartier indiquent 40% de noirs, ce qui est bidon, 8 personnes sur 10 que je crois sont noires. Et 50% des blancs restants sont polonais ou issus de mélanges douteux. Ce pays a l'avantage de ne pas avoir de passif d'assimilation républicaine, ce qui fait que les minorités restent toujours entre elles et que les blancs restent naturellement entre eux une fois les études terminées. Mais leur démographie est catastrophique, et je ne vois pas ce qui peut les sauver à part une invasion migratoire d'Irlandais et de Polonais, ce qui risque d'être plus compliqué après le Brexit. Les Anglais de la droite molle dont je vous ai parlé sont tout fiers de mettre fin à l'immigration polonaise, qui, c'est vrai, fait baisser les salaires des ouvriers anglais, mais ne percute pas que le flux de Zaïrois et de Paquis ne vont pas s'interrompre puisque la judéo-servile Theresa May est au pouvoir. Notez que leur dissidence, c'est de l'opposition contre les Steve Zemmour. La question juive est complètement absente, un Rissen chez eux serait impensable. Ils n'ont pas encore buté Tommy Robinson, car celui-ci fait des petites allégeances à Israël de temps en temps pour se maintenir en vie. J'ai déjà trop écrit, alors merci d'avoir lu. Bonne chance à vous. Amitié, un démocrate participatif. Qui veut réagir à ce riche commentaire? Je sais qu'il y a des gens qui ont de l'expertise sur tout ou partie du sujet. Mais je les laisse s'exprimer s'ils ils en expriment le désir. Oui, bah c'est un témoignage contrasté. C'est-à-dire, il y a des bons côtés, ils commencent par dire que c'est une bonne fac, mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de polémiques stériles. On voit que c'est grand remplacé, qu'il y a du gauchisme, donc c'est, d'une certaine manière, c'est similaire à la France. Bon, je pense que ça l'aidera dans son cursus, quoi qu'il en soit, d'avoir fait quelques années d'études en Angleterre. Sur les polémiques stériles, j'en ai une qui m'est revenue en tête, là, j'aimerais bien la raconter. C'est peut-être, il y a quelques années, il y avait un journal de la fac qui s'appelait Dédale, donc vous savez, comme le labyrinthe, les Dédales. Et il y avait quelqu'un, un petit plaisantin, qui avait écrit, qui avait transformé une lettre sur le journal qui était affiché dans la fac, et il avait écrit Pédale à la place de Dédale. Et ça avait fait un lever de bouclier monstre. Ouais, comment ça se fait? C'est de l'homophobie. Tous les grands penseurs de l'humanité ont été favorables à l'homosexualité, etc. Il y avait une manif dans la fac. Ouais. Il y a beaucoup de grands penseurs qui ont été antisémites aussi. Je dis ça en passant, juste pour le... Voilà. Mais vas-y, je te fais reprendre où t'en étais, ouais. Ouais, non... Tout ça pour dire que l'Angleterre, il y a des bons côtés. Il y a le côté, la possibilité d'entreprendre plus facilement, de monter une entreprise. Il y a des qualités incontestablement dans le peuple anglais, mais ils ont tout un tas de soucis aussi, au premier rang desquels c'est l'immigration indienne, pakistanaise, et puis aussi les pays d'Afrique noire, dits anglophones. Et puis, mais c'est sûr qu'on voit aussi beaucoup d'Asiatiques. Hein. C'est assez évident que là, c'est des gens qui font pas de bruit. Alors, bon, je ne sais pas. Partie des gens qui font l'apologie spécialement pour l'apologie des Asiatiques, hein. C'est-à-dire, c'est aussi des gens qui regardent leur intérêt, donc il faut pas non plus. Mais c'est des gens qui au quotidien sont discrets, travailleurs, donc c'est pas des gens qui vont poser problème. C'est sûr que c'est relativement. C'est pas dérangeant de les côtoyer. Alors, dans le système éducatif, là, de ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'université alors? Je sais pas si tu as fréquenté l'université anglaise, j'en ai aucune idée, mais je te pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle au moment donné, il opère une comparaison entre le système universitaire britannique et le système universitaire français. Il dit, bon voilà, il y a plusieurs types d'ailleurs d'établissements, hein. Je veux dire, il y a des établissements qui sont élitistes. En fait, c'est ça en France, c'est la grande hypocrisie. C'est qu'il y a l'égalitarisme qui est proclamé sur tous les frontons des mairies, c'est pareil au sein de l'éducation nationale, voilà, l'éducation publique, sauf qu'on sait très bien que c'est faux. Hein, il y a des établissements qui opèrent un tri, une sélection en réalité. Hein. Donc il en parle, hein, il cite quelques établissements qui peuvent être encore préservés, mais il dit que globalement, quoi, là, l'université française, c'est un zoo, quoi, hein. Ce qui est vrai, hein, je veux dire. Ouais. Par rapport au témoignage qu'on a eu la semaine dernière, en tout cas pour la partie enseignement, bon, tu sens que c'est quand même, tu as l'idéologie dominante qui est là, mais ça n'est pas poussé jusqu'à l'absurde comme ça peut l'être, comme ça a pu l'être dans le cas de l'université de notre auditeur de la semaine dernière. La semaine dernière, on était vraiment plongé dans l'asile. C'était c'est limite, tu n'avais pas les nègres qui faisaient cuire des blancs en sacrifice humain, et puis on faisait une étude là-dessus pour dire en quoi c'était bien. Tu vois, on n'allait pas très loin. Hein. Rappelle-toi, il y avait l'histoire de la prof qui intervenait en plein cours, ce fou à poil. Hein. En vidéo, hein, oui. Il avait fourni la vidéo. Oui. Alors on pouvait pas la communiquer aux auditeurs par définition, mais il avait bien donné le lien où on voit la prof en plein cours se foutre à poil. Enfin, je veux dire, c'est quand Derrick dit c'est l'asile dans l'université française, c'est pas une image. On n'en est plus au stade de l'image ou du symbole, hein. C'est vraiment ce qui se passe. Il y en a des dingues qui sont des profs, qui font n'importe quoi. Et voilà, comme tu le dis, ils n'en sont pas. Alors a priori, sur la base de ce que nous dit notre démocrate participatif, qui nous écrit, bon, ils n'en sont pas encore arrivés là. Oui, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont encore autorisés des opinions du centre droit, tu vois. Alors que bon, de ce qu'on a... ce qui ressortait du témoignage de la semaine dernière, tout ce qui n'était pas viscéralement d'extrême gauche, voire, trotskiste en gros, hein, la gauche juive la plus terroriste, c'était la réaction, c'était à condamner, quoi. Ouais. Ouais, puisqu'on parle des Anglais, il y a quelque chose qui est assez connu, mais qui se pratique toujours, c'est donc il y a le côté l'uniforme. Les élèves anglais qui portent les uniformes, mais aussi la non-mixité dans énormément d'endroits. Il y a des écoles exclusivement de garçons et des écoles exclusivement de filles. Ça n'empêche, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans le système anglais. Hein. Il y a un reportage qui c'était une journaliste qui était aussi prof, qui avait mis une caméra embarquée sur sa veste. Et les élèves donc, ne savaient pas que c'était filmé, mais c'était la jungle. Hein. C'est un documentaire qui s'appelle Classroom Chaos, donc le chaos dans la salle de classe. Voilà, c'est un des points que. Oui, ils ont gardé un peu le comment dire, le principe de comment dirais-je, de hiérarchie sociale, que signifie très bien l'uniforme britannique. Alors attention, hein, je suis pas en train de glorifier le système britannique, mais disons que comme il n'y a pas eu la révolution coupeuse de tête de 1789-1793, il n'y a pas cette obsession ancrée dans la cervelle des Britanniques de couper tout ce qui dépasse. Hein ? Alors évidemment, il y a une tendance de fond démocratique, c'est inévitable, l'antiracisme, le marxisme, etc. est très présent, c'est indéniable, mais on a beau dire ce qu'on veut, c'est-à-dire que comme les institutions sont quand même des institutions très anciennes, d'une certaine façon traditionnelles, ça a quand même préservé un peu certains éléments, voilà, de continuité. Donc voilà, je pense que ça, c'est ce qui fait que ça atténue. Alors, certains. Ben, le cas de l'uniforme en l'occurrence, c'est plus le contraire. C'est-à-dire que l'uniforme, ça coupe justement ce qui dépasse. C'est les excentriques avec leurs habits bizarres et compagnie. Ça passe à la trappe. Hein. On oui, dans je suis un cadre, qui est bien approprié pour les études et puis tout ce qui est distraction et compagnie, on zappe. Quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Sur le uniforme, je vois ce que tu veux dire. T'as tout à fait raison. Simplement, t'as raison. Il y a une égalité entre les élèves vestimentaires, mais ça sépare l'élève de son milieu social d'appartenance. Oui, donc il y a quand même l'idée qu'on va le placer dans un milieu social, dans un milieu institutionnel particulier qui le distingue du reste de la société, que c'est visible, et ça, le fait d'assumer dans la société par l'uniforme une position, c'est déjà... C'est réactionnaire. Oui, mais c'est déjà acquérir l'idée que voilà, je m'insère dans une hiérarchie sociale. Alors que l'abandon de l'uniforme en France, ou non, l'abandon, il n'y avait pas d'uniforme, il y avait des blouses, mais l'abandon de la blouse en France... comment dirais-je, c'est clairement de ne pas pouvoir distinguer le milieu social d'origine du milieu, j'allais dire, pré-professionnel qu'est l'école. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et la préservation des strates, bah ça, je pense que ça se ressent un peu dans l'université. Mais je dis, hein, ça atténue. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà, c'est un système complètement réactionnaire, etc. Pas du tout. Hein. Je dis, c'est comme ils ont pas eu la révolution. Il y a quelques trucs qu'ils ont un peu préservés, c'est un peu comme la Chambre des Lords, quoi. Bon, la Chambre des Lords, c'est bien gentil, mais bon, maintenant c'est rempli de nègres, de chanteurs, de trucs, enfin, c'est des trucs proprement aberrants. Hein. Mais ils l'ont. Voilà. Le fait qu'ils mélangent pas les garçons et les filles, on remarque bien aussi que c'est pour la même raison qu'ils fonctionnent tout le temps en communauté, comme disait finalement cet auditeur qui nous écrit. que les Asiatiques restent entre Asiatiques, enfin les Blancs restent avec les Blancs. C'est toujours un peu pour la même raison, alors que nous, en France, on essaye absolument de faire... Oui. De mélanger tout ça, tu vois, de faire des bougnoules patriotes, ça, on essaye à fond. Mais quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est exactement ça, il n'y a pas le virus républicain égalitariste. Vous voyez, c'est typiquement le truc proto-communiste, hein, la République française est proto-communiste. Hein. Alors, il y a le versant libéral de 1789, mais il y a le versant proto-communiste de 1793. Et ça s'est ancré, quoi, par le jacobinisme, hein, l'égalitarisme révolutionnaire, coupeur de tête, ça, c'est profondément ancré dans les institutions. Eux, ils veulent du nègre, ils veulent de l'arabe, ils veulent bon, à peu près toutes les créatures de la planète, hein, toutes les tribus, les ethnies, etc. Mais ils veulent pas que ça reste compartimenté. Il faut touiller. Il faut touiller, il faut une patte uniforme. Et ça, c'est le virus jacobin qui deviendra ensuite qui sera repris par le socialisme et le communisme français, je précise, français, dans sa facture hexagonale. Alors qu'on le voit bien en Grande-Bretagne, il y a le fameux communautarisme. Alors attention, hein. Ça rend pas plus, comment dirais-je, fonctionnel la société multiraciale, puisqu'on voit bien qu'on a des réseaux de Pakistanais qui enlèvent des petites blanches pour les violer joyeusement. On voit bien qu'il y a des tribunaux de la charia qui se mettent en place, alors pas pour les grands, pas pour les affaires de meurtre, etc., mais pour des affaires à caractère civil, notamment les divorces, des trucs comme ça. Ça existe, c'est autorisé. Il y a toute une série de choses comme ça qui se passent. Ceci étant dit, si on est un blanc qui évolue dans son quartier de blanc, en fait, on peut pratiquement éviter d'interagir avec des métèques. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, cette option est possible. Et si vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, je pense, si vous êtes riche, un bourgeois, machin, en fait, vous pouvez évoluer dans un environnement, je veux dire, immédiat, britannique, typique, avec votre petit pub, votre petit machin, ça, sans jamais voir ce que vous pouvez voir à côté de Wembley et ailleurs, quoi. Pas un moindre mal. Au niveau des études aussi, bon, je crois qu'Alexis l'a évoqué tout à l'heure, mais ne serait-ce que la non-mixité déjà, dans les écoles, avant. Dans la plupart d'entre elles. Ouais, c'est ça, ça y fait beaucoup, quoi. Tu n'as pas tout le bordel. Tu fais aller voir, on l'a tous connu, on devient tous fous aux alentours de 11-12 ans, quoi. Hein. Alors après, ça serait intéressant de voir dans le top du top des universités, des trucs comme Cambridge, etc. Ça serait intéressant à savoir comment ça fonctionne. Enfin là, ça c'est les gens très riches. Dans des top universités, en France, il y a la Sorbonne, c'est la fac normalement la plus connue, la plus ancienne, celle qui est connue à l'étranger, quoi, la seule souvent par ceux qui connaissent la France. Mais il y a des cours qui ont été mis en ligne là, par un gars en prof de sociologie. Un certain Duclos avec un S à la fin, donc sur YouTube, vous pouvez taper Duclos sociologie, puis vous aurez ses cours. Alors pendant une heure et demie, le type déblatère, c'est la moitié du temps des digressions, le type parle du jardin, de ses légumes, enfin bon, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a quelques éléments évidemment de sociologie qui sont avancés, mais je veux dire, son propos aurait très bien pu être résumé en un petit quart d'heure. Et ça dure une heure et demie, il y a des allusions graveleuses, il y a des trucs, c'est quand même... Et le type a délibérément donc filmé son cours, parce qu'il pense que c'est bien, il a filmé lui-même, et il pense que donc c'est au-dessus de la moyenne, j'imagine. Hein. Donc voilà. Et pour éduquer le bas peuple, évidemment, qui ne comprend rien, il a mis ça sur YouTube. Bon. Honnêtement, les contenus que vous pouvez entendre sur Internet, dans la sphère dite dissidente, il y a évidemment beaucoup de déchets, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, je pense que beaucoup d'interventions sont d'un niveau bien plus élevé que ce que racontent ces profs de sociologie. Dans la sociologie, ouais, c'est sûr. Alors du coup, Derek, là déjà, t'as une réponse là. Hein. Ouais. Voilà, hein, tu voulais savoir. Je serais curieux de savoir comment ça se passe dans les autres pays. C'est intéressant parce que la Grande-Bretagne, quand même. Donc, c'est parce que si, évidemment, si tu demandes un avis comme ça et puis qu'on te répond de Pologne. Bah en fait, il n'y avait pas besoin de demander. On sait que ça. Mais sous le phénomène de la diversité, dans un pays d'Europe occidentale, qu'est-ce que ça donne? Bah là, on a une réponse intéressante. Là. Une expérience différente, intéressante. Ouais, c'est-à-dire. Enfin, je reprends un petit peu ce que je dis, mais tu as encore des possibilités de faire des trucs, quoi. Même dans des universités de. C'est moyen, je crois, hein, niveau moyen, ce que l'a dit notre ami. Ce n'est pas l'asile, encore une fois, où on a de... les témoignages de la semaine dernière m'ont vraiment choqué, hein, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Hein. Mais disons que là, ils apprennent quand même 2-3 trucs, et à la fin, ils finissent pas RSA ou au chômage, quoi. Ils peuvent peut-être trouver un boulot, par exemple. Mais ça correspond à la vision très très pragmatique qu'ont les Anglais. Hein. Les Anglais, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils sont hyper pragmatiques. Les Allemands ont dit qu'ils sont très efficaces, mais les Anglais, ils sont très pragmatiques. Et de toute façon, l'histoire de l'Angleterre, ça prouve un peu ce que je viens de dire. Les Français, ouais, sont très nègres. Oui, tu as remarqué. De repeuplement. Mais comment dire... Alexis, vous voulez dire quelque chose? Non, simplement que les Anglais et les Britanniques sont assez proches sur le plan des peuples. Il y a eu des mélanges, évidemment, entre les deux pays. Donc ça se voit sur le plan de la langue, bien sûr. C'est-à-dire entre les Anglais et les Allemands, c'est ce que tu veux dire? Oui, pardon, entre les Anglais et les Allemands. Ouais. Comment dire? Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Moi, ce qui m'a intéressé dans le témoignage du démocrate, là, c'est la présence d'Arabes du Golfe. Alors, c'est très important de souligner la différence. Oui, ce ne sont pas des Algériens, hein, pour nos auditeurs. Oui, voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des espèces de fascistes qui portent des coiffes d'arabes, qui font des courses de bagnole, des drifts dans le désert. Enfin, c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais nous, on dit toujours par raccourci, surtout pour des raisons linguistiques, que les Maghrébins sont des Arabes. Ethniquement et racialement parlant, ce ne sont pas des Arabes. Ils ont été sémitisés linguistiquement, psychologiquement, par le jeu bien évidemment de la religion, et un petit peu en surface par l'invasion islamique du haut Moyen-Âge. Donc évidemment, les guerriers qui sont arrivés là-bas, là, à d'autres dromadaires, évidemment, sur les côtes, ils ont un petit peu proliféré, mais globalement, ce n'est que partiel. Donc les populations maghrébines ont été arabisés, mais n'ont rien à voir avec les populations du Golfe. Hein. Donc quand vous allez avoir des Arabes du Golfe, c'est des populations très différentes, et n'oubliez pas non plus que ce sont des populations dans les pays du Golfe qui sont organisées en tribus, en clans et en monarchies. Donc c'est pas du tout des égalitaristes de gauche, faut bien comprendre ça aussi. Voilà. Hein, c'est des droits de l'homme et compagnie. C'est des mahométans, on est d'accord. Mais je veux dire, il faut bien comprendre que dans leur structure politique et sociale, ce sont des gens pour qui, comment dirais-je, le principe d'égalité est absolument incompréhensible. Oui, alors le féminisme, n'en parlons pas. Hein. Moi, j'ose pas imaginer. Imagine, hein, je sais pas, t'es le fils d'un très riche prince, d'Arabie Saoudite. D'Abu Dhabi ou autre, t'arrives dans une université britannique, il y a une espèce de gauchiste blanche qui essaye de t'expliquer comment te comporter. Moi, je sais ce qui se passe dans la tête de l'arabe. Il dit, bon, voilà, je suis ici pour étudier, mon père m'a mis là, machin, je remplis mon cursus, etc., après je repars, mais si je te vois dans mon pays, ça se passera pas pareil, quoi. C'est clair, hein, je veux dire... Il faut comprendre ça aussi, tu vois, les nuances comme ça. Et moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des discussions assez comiques quand même autour de ça, quoi. Et franchement, c'est intéressant de savoir. Quoi. Les Arabes comprennent la mentalité fasciste blanche. Hein. Ils la comprennent, je veux dire. C'est le même langage. C'est intéressant de savoir s'il y a des étudiantes du Golfe aussi, parce qu'ils font, comme disait Derek, beaucoup la différence entre entre les garçons et les femmes, considérant souvent que les femmes ont moins le droit à l'éducation ou la nécessité d'être éduquées. Enfin. Maintenant, les pays du Golfe, quand ils ont participé à des enquêtes internationales, c'était pas pour ce qui est de l'éducation, c'était pas brillant, mais enfin, je pense qu'ils doivent avoir des écoles privées particulières, qui doivent avoir un haut niveau d'exigence avec des familles semi-nobles derrière, ou complètement nobles d'ailleurs. Donc je pense qu'il doit y avoir une inégalité, mais ça rejoint ce qu'on disait. Il y en a quelques-unes de femmes, en France hein, même, hein, des Arabes. Et il y a en fait, dans les pays du Golfe, bon, il y a beaucoup de pognon, et il y a beaucoup de rejetons de familles nobles. Alors, je ne sais combien de princes, enfin, c'est quasiment une classe moyenne en fait. Et ils touchent des bourses, qui sont assez élevés pour pouvoir étudier à l'étranger. Oui, oui, il y a tout un système comme ça. Ouais. Alors, pour les femmes qui... Bah, Bachar el-Assad. Ouais, ça, c'est différent. Bachar el-Assad a été docteur. On n'est pas sur une monarchie, là. Hein. C'est un régime présidentiel avec un clan, mais je veux dire, c'est pas... c'est pas le même fonctionnement que les bédouins, quoi, je veux dire. Quoi. Oui, tout à fait. Non, je vais simplement signaler qu'il avait étudié en Angleterre. C'est tout. Ouais. En fait, le système social, je sais, en Arabie Saoudite, c'est globalement, c'est comme le roi qui file des, comment dire, des l'aumône à son peuple, quoi. Mmh. C'est que le type est tout puissant. Il va faire des tours dans les quartiers, parce qu'il y a quand même une classe populaire en Arabie Saoudite, et il distribue des liasses de billets, quoi. C'est vraiment, c'est pas aussi centralisé, normalisé que la CAF. C'est vraiment, je te donne parce que je suis plus puissant, quoi. Donc, même quand il y a du social, parce qu'il y a du social en fait, mais ça n'a rien à voir avec l'égalitarisme non. À la française. C'est du clientélisme tribal. Tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que pour survivre dans un environnement multiculturel et multiracial, mieux vaut avoir des institutions libérales que des institutions communistes. Indiscutablement. Et d'avoir la mentalité fasciste. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on avait le même langage que les Arabes. C'est-à-dire que quand nous, on comprend parce qu'on comprend le principe de réalité, le principe de hiérarchie naturelle, le principe de différence entre les cultures, entre les sensibilités, etc. Donc nous, on va pas essayer de faire de l'autre une copie de nous-mêmes, vous voyez, on n'a pas ce virus universaliste du tout. Donc nous, on comprend que les... Peu importe la race, etc., on sait très bien qu'ils ont leur mode de vie, leur... donc on va pas aller les emmerder, et ça se passe beaucoup mieux, entre guillemets, je veux dire, le langage est clair. Et alors quand on est fasciste, bah là, ça va encore plus, c'est encore plus simple. Ça devient très compliqué, j'avais déjà cité ça dans le passé, quand on lance des opérations militaires hypocritement en prétendant aller libérer les femmes afghanes. Bon, là, les choses commencent à se compliquer, indubitablement. Et du temps où, en fait, où l'Occident avait encore les structures héritées des anciens régimes, même la France républicaine, la Troisième République, elle avait quand même, malgré elle, hérité des structures de l'Ancien Régime, que ce soit les structures sociales, au plan catholique et autres, la mentalité, les sensibilités, bon, il y avait encore quand même la compréhension de choses élémentaires. Aujourd'hui, on l'a perdu, hein, je veux dire, la méritocratie républicaine, il y avait quand même l'idée encore, on va essayer de créer une aristocratie du peuple, hein. Sous-entendu, il faut une aristocratie. Aujourd'hui, il faut pas d'aristocratie, hein. Il faut tous être dans le caniveau, à se taper le cul dans la poussière, ça c'est super, voilà, bon. Et du coup, quand que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, mais plus la Grande-Bretagne, quand ils sont partis à la conquête du monde, ils ont pu avoir des relations avec les populations sans trop de difficultés. Aujourd'hui, maintenant, quand on va dans ces pays-là, je sais pas si vous imaginez, quoi, on les torture avec les droits de l'homme, la démocratie, un homme égale une voix, comme dit Lugan, reprenant le fameux slogan droit de l'homiste. Ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Surtout chez les Arabes. Alors imaginez-vous chez les nègres. Chez les nègres, c'est voilà. Absolument catastrophique. Hein. Oui, là pour le coup, Lugan a raison. C'est la torture faite à tous ces pauvres nègres qui n'ont rien demandé. Bah oui, puis démographiquement, c'est forcément l'ethnie majoritaire qui va l'emporter, puisqu'ils votent systématiquement pour un candidat issu de leur propre ethnie. Bah ouais. À 95%, ouais, donc après, ça va leur donner les droits d'exterminer, ou de maltraiter l'autre ethnie, donc qui est minoritaire sur le plan simplement numérique. Ouais, et puis la monarchie britannique, comme c'était une monarchie, comprenait le principe monarchique. Donc quand elle arrivait dans un pays africain où il y avait un potentat nègre, elle ne contestait pas sa légitimité dans la mesure où c'était lui le chef de la tribu ou de l'ethnie en question. À aucun moment il se disait, ouais, il va falloir quand même que le leader soit élu. Et voilà, bon, donc c'est quand même deux méthodologies. Et je pense que quand même le système britannique, alors ça reste démocratique, c'est tout le problème, mais est un peu moins. Est un peu moins carabiné que le système français, je pense, à cause du virus marxiste français. Ah ouais. De toute façon, je crois que c'est avec peut-être la Suède, mais je veux dire, la France, c'est ce qui se fait de pire. Après, il faut voir l'État. Je sais pas s'il les côtoie, mais il y a des white trash anglais. Hein. C'est carabiné. le phénomène de white trashisation des petits blancs avec le binge drinking et les femmes anglaises qui sont des véritables serpillères, c'est une réalité aussi. Exact. Pour les étudiants qui picolent, c'est encore plus développé qu'en France. Encore plus. Alors, on va passer au deuxième courrier. Deuxième courrier, les amis. Alors là, on retourne à Auschwitz. Ah. Ah, bah oui. Non, mais c'est marrant, il y a des redondances dans les... Parce que les gens subissent les mêmes traitements, vous voyez, ils passent par les mêmes bouches de l'enfer, donc ils nous écrivent pour hurler à l'aide. Alors, récit d'une visite à Auschwitz. Bonjour à tous, chers amis démocrates. Avant tout, je souhaitais vous remercier pour la bouffée de liberté que vous nous apportez quotidiennement, et notamment chaque mardi. Je suis un jeune étudiant dans le domaine scientifique, et mes études m'ont conduit à suivre des cours en Pologne, dans une école prestigieuse. Ce pays est parfaitement charmant, les gens sont polis, les femmes jolies, les villes sont propres, pas d'urine, d'excréments et très peu de déchets. Et la population blanche et catholique, bien évidemment. Malheureusement, la bouffe n'y est guère délicieuse. Bon, c'est comme quoi. J'ai profité d'être en Pologne pour... Ah, d'accord, bon, il y a quelqu'un qui aime la bouffe polonaise. J'ai profité d'être en Pologne pour faire mon pèlerinage de Goy à Auschwitz. Cette visite avait pour but de me faire une idée de ce temple de l'idéologie cosmopolite. Je vous décrirai le déroulé de la visite, puis mon ressenti avant de conclure. La visite en elle-même. La visite guidée a commencé dans le camp Auschwitz 1, a fini à Birkenau et a duré 4 heures. Nous avons visité quelques bâtiments en briques rouges. Voici une petite liste des absurdités dont j'ai été témoin là-bas. Premièrement, nous avons vu que antisémitisme a pour origine le nazisme, alors que quiconque lisant le juif Bernard Lazare sait que les juifs sont détestés partout depuis l'Antiquité. Sur un bâtiment, il y avait écrit « preuve matérielle du crime ». Quelques touffes de cheveux, des lunettes, des souliers et autres chaussures, et des valises, mais pas une seule photo ou un seul objet en rapport avec les chambres à gaz, mis à part quelques boîtes de conserve présentées comme des armes. Donc rien de vraiment convaincant pour un scientifique. Un moment particulièrement grandiose fut celui où la femelle qui nous servait de guide nous dit que les Allemands gazaient les femmes car faibles et les enfants car ils ne voulaient pas entendre leurs cris. Ah bon ? J'avais pourtant toujours entendu que des bébés étaient nés à Auschwitz. Mais qui suis-je pour douter de la capacité des mâles juifs à se reproduire entre eux et à accoucher d'enfants? Les toilettes de l'humiliation où les nazis auraient volontairement construit des toilettes sans séparation visuelle pour forcer les juifs à se regarder chier. Je voulais juger de la crédibilité de cette théorie. Bon, voilà. C'est probablement pour des raisons de surveillance d'ailleurs, bref. Après avoir entendu chambre à gaz au moins une cinquantaine de fois sans les voir, l'apothéose de la visite était censée être atteinte avec la visite de la fameuse chambre. De la grosse merde, un vieux bloc de béton vide que l'on visite en à peine une minute sans aucun détail technique ou indication précise sur leur fonctionnement. J'ai pu observer des plaques commémoratives où 1,5 million de victimes, alors que le guide nous évoquait 1 million de victimes, après toute la valeur de la vie d'un juif vaut peut-être parfois 1,5 de celle d'un goy. Mon ressenti. Cette visite est une arnaque car on ne laisse pas le temps aux visiteurs de voir par eux-mêmes le camp. Il y a très peu d'objets, de photos, peu d'explications factuelles et seulement de la pleurniche destinée à vous faire vomir de larmes. Ce lieu est totalement sinistre et morbide, l'ambiance y est pesante et les camps sont exposés au vent et au froid. Nul doute que ce froid est le responsable d'un nombre élevé de décès de déportés. Bon. N'y allez jamais, c'est une perte de temps. Profitez plutôt des nombreux musées de votre région dans lesquels vous pourrez voir de belles choses et vous cultiver. Au final, cette visite m'aura juste convaincu que je dois croire en l'inexistence des chambres à gaz à granulés. Je tiens à préciser que ce musée est financé par la France et aussi par la ville de Paris. Ah, j'apprends quelque chose là. Nos impôts financent cette merde. Pensez-y chaque fois que vous donnez votre blé à la métèque sodomitophile cosmopolite Hidalgo ou à la République cosmopolite. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Bon courage à tous les démocrates. Pétain le bel. Ouais, ça c'est deux beaux programmes. Bon, réaction vite fait sur cette visite express. Voilà, absence visiblement d'explications techniques détaillées pour le visiteur hein, qui serait curieux ça, de comprendre. Ça ressemble à la visite guidée d'un souk dans un pays oui. Du Maghreb, tu vois, dans lequel on va te faire acheter des trucs super chers, en fait, de la grosse merde, où tu te fais arnaquer. Bon, là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que, ouais, bon, bah, ouais, regardez là, allez, bon, bah, payez ça un petit peu. Touche qualité. Voilà, alors la paye se fait, alors, c'est non pas le ticket d'entrée, c'est les larmes, tu vois, tu dois Ah bah, attends, verser ton quota de larmes. Toi, tu me dis, l'entrée est gratuite là. Non, bah non, je pense pas. J'ai pas de réponse, j'en sais rien, mais c'est gratuit l'entrée. L'entrée est payante, mais obligatoire. Ouais, non, mais déjà, si tu as un guide, donc tu dois quand même payer. Mais bon. Non, mais t'as les trucs audio aussi là, c'est comme quand tu vas dans les aquariums là, tu sais, c'est pour écouter les trucs, les explications scientifiques. Ouais, ouais, quand tu vas voir des requins, ça va être un petit peu aussi. Tu vas voir des requins aussi, mais c'est pas le même style. C'est pas la chambre. Ah, bah, les scientifiques qui s'expriment là-dessus, comme Fröhlich, on en avait parlé, Wolfgang Fröhlich, depuis une douzaine d'années en prison, un ingénieur, donc qui avait apporté son soutien à Jürgen Graf. Oui, Graf, un scientifique aussi qui a douté. Ah, voilà. C'est... Okay. Il y a des choses dont on ne peut pas douter. Oui, c'est la définition d'une religion. Hein. Mm. Ce dont on ne peut pas douter par définition. Ah ben non, mais c'en est une, quoi. D'ailleurs, notre auditeur a dit qu'il était allé faire son pèlerinage. Alors, oui, c'était un beau mot. Ouais. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Hein. C'est... Bon, nous sommes sous le règne de la religion de la Shoah, et c'est une religion qui est particulièrement... particulièrement... prenante, étouffante, dirais-je. Étouffante. Étouffante, oui. Totalitaire, y aurait-il un totalitarisme hébraïque? Non, mais c'est les calculs que vous voulez, mais arriver à 6 millions en résultat. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est marrant, c'est ces histoires de 1 million, c'est quand même une marge d'erreur de 50% entre. Mais c'est bon. C'est une matière de foi, hein, je veux dire, c'est pas une science exacte, hein, voilà, bon, oui, 1,5 million, 1 million, bon, oui, bon, voilà, ouais, bon. C'est la transsubstantiation, c'est ça Oui, c'est ça. Précisons d'ailleurs que je crois que c'était en 1945, tout de suite après, c'était 4 millions, je crois, 4 millions et demi, quelque chose. 4,5 millions, et c'est passé à 1,5 million pour les chiffres officiels des morts à Auschwitz. Mais c'est toujours, par contre, le global est toujours resté à 6 millions, donc on ne sait pas qui c'est qui compte, mais, mais Madoff a prouvé que les Juifs n'étaient pas très bons en calcul mental. C'est ça. Ah non, mais tu peux négocier, en fait. C'est les prix... les chiffres et les lettres juifs des inconnus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais une négociation, bah forcément... Qu'est-ce que tu m'embrouilles, là? Ouais, voilà. C'est les intérêts. 7 millions et demi. Alors moi je dois dire quand même, parce que bon, en passant, je suis bien obligé quand même de m'arrêter là-dessus, bah, visitant avec, en imagination avec notre démocrate cette chambre à gaz, que vous pouvez voir hein, sur internet, hein, il y a YouTube, etc. Il y a un excellent reportage d'ailleurs commenté de Robert Forisson sur cette question, mais enfin bon, même pas besoin de passer par Robert Forisson, on peut simplement prendre le visite. Il y a, hein, il y a aussi le révisionniste anglais, là, comment s'appelle-t-il ? Il y en a plusieurs. Hein. David Cole. Oui, voilà, juif américain, David Cole. C'est assez rigolo. Quoi. Bah alors, moi, ce que j'aime bien dans cette chambre à gaz, c'est que... Alors déjà, on a abattu les murs, hein, voilà, et qu'il y a toujours la porte en bois. Et alors, comment dirais-je, ils ont dit, oui, mais c'est... Alors, là, ça, c'est l'excuse des juifs, ils ont été obligés de maquiller un truc. Donc, je dis bien, je l'ai déjà dit, quand on en avait parlé il y a quelques semaines, Le camp est resté, à partir de 1945 jusqu'en 1990, dans un état communiste, fondé sur deux choses, le nationalisme polonais, dont on n'a pas besoin d'expliquer qu'il est anti-allemand et surtout anti-national-socialiste, hein, par construction, ça c'est pas... Voilà, et communiste, et qui a aussi, par définition, comme point de vue historique, une opposition radicale au national-socialisme. Donc c'est ces gens-là qui ont eu le contrôle du camp pendant un demi-siècle, hein, et qui ont fait des travaux sur le camp, hein, comme ils ont dit, et donc ils ont réaménagé des choses, et alors quand on fait observer que la porte est en bois de la chambre à gaz... Les types vous disent « Ah oui, non, mais ça a été rajouté après, ça n'a rien à voir, machin. » Alors, donc, quand ils reconstituent des trucs improbables, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, les types étaient tellement occupés à reconstituer de manière très fidèle et très crédible, ils ont foutu une porte en bois, vous voyez, après coup, quoi. Vous voyez, bon, c'est absurde. Donc, quand vous allez dans ce truc-là, dans la fameuse boîte en béton-là, d'Auschwitz, vous ne visitez pas une chambre à gaz, vous visitez une pièce... où ils stockaient les quelques cadavres du camp, parce qu'évidemment, il y avait tellement de prisonniers, il y avait des maladies, des trucs comme ça qui pouvaient arrêter, des crises cardiaques, ce que vous voulez. Il fallait bien mettre les morts quelque part. C'était la guerre aussi, accessoirement. Ouais, mais enfin, là, ils n'étaient pas exposés à ça. Je veux dire, ils étaient... voilà, et il y avait, comme dans toutes ces unités, il y avait des morgues. Et c'est là le gros truc de Forisson, c'est qu'il avait réussi à mettre la main sur les plans originaux du camp, dans lesquels c'était écrit en allemand ce qu'était ce bâtiment, et il y a marqué Leichenkeller, qui veut dire la chambre pour les corps, quoi, la chambre pour les cadavres. La morgue, hein, c'est ça. Voilà, la morgue. Donc voilà, c'était une morgue que ensuite on a maquillée pseudo en genre, parce qu'en fait, il n'y a même pas de... Ensuite, ils ont créé les trous, ça a été prouvé aussi. Hein. Les trous qu'il y a dans le toit, là, ça a été fait après coup, hein, très tardivement par les Polonais communistes. Hein, ils les ont pas trouvés comme ça. Ça a été admis. Ça a été admis que ça a été fait après coup. Officiellement, j'entends, hein, ça a été admis après coup que voilà, et c'était officiellement par là. Il n'y a pas de chambre à gaz. Donc il a raison, hein, notre démocrate, quand vous allez à Auschwitz. Alors des fois on n'a pas le choix. Hein. Il y a des gens qui sont. J'ai vu ça. Ils avaient même envoyé l'équipe de handball de France. Hein. L'équipe de foot, hein, je crois qu'elle a fait un petit tour avant le mondial. Ah, ouais. Mais de toute façon, ça va devenir obligatoire, hein, pour toutes les sélections nationales, féminines, pas féminines, africains, pas africains, musulmans. Là, mais tout le monde progressivement va passer par ça. Même je pense que si c'est pas en place, ça va l'être. Les officiers français, enfin les officiers français qui sont en formation à Saint-Cyr et autres, je pense que progressivement, ça va devenir obligatoire. Moi, j'avais déjà fait le Struthof quand j'étais engagé. Attends. Ah, d'accord. Struthof, t'as fait Fulbert. Oui, c'est déjà fait parce que en Belgique, par exemple, il y a des années de cela, je n'oserais pas dire un chiffre, mais ça remonte à loin, probablement à quelque chose comme 12, entre 10 et 15 ans, disons, des militaires ont été envoyés en pèlerinage à Auschwitz, des policiers ont été en pèlerinage à Auschwitz, et donc moi, en plus d'autres secteurs comme l'éducation, naturellement, professeurs et compagnie. Alors, je serais surpris que le cas ne soit pas arrivé en France. Il y a à peu près le même temps dans le passé. Franchement, ça me surprendrait. Bah, je pense que ça arrivait, mais moi, ce que je voulais dire, c'était le caractère obligatoire et systématique, en fait. C'est ce que je voulais dire. Bah, ça, obligatoire, ça dépend qui l'établit, mais les types qu'on a envoyés là-bas, c'était pas des volontaires pour y aller, hein. C'est des gens d'unité ou de groupe qu'on a attrapés, on leur a dit « bon, ben, mission crack-boom Auschwitz ». C'est ça, ouais. Là, j'ai vu un truc, alors un petit peu différent, mais on reste un peu sur la thématique. C'était une communication officielle de la LICRA sur le compte Twitter du truc, dans lequel la LICRA, la fondation pour machin l'Holocauste, enfin bon, la secte juive, quoi, qui avec son machin bidon, là, les chambres à gaz, maintenant, ils forment, comme ils disent, on forme les officiers de la gendarmerie et de la police. Et on voyait les images, hein. Alors c'était marrant parce qu'ils ont choisi un angle, ils sont vachement vicieux, les juifs. Hein. Le premier mec qu'on voyait de dos, en uniforme de gendarme, c'était un nègre. Vous voyez, pour bien vous faire comprendre ce qui est en train de se passer en France, quoi. Les juifs vous envoient le message. C'est-à-dire que leurs nègres formés à la religion de la Shoah, vont venir traquer les racistes. Évidemment, le nègre, lui, va traquer les racistes parce qu'il est nègre. Voilà, les blancs, il les aime pas, donc de toute façon, il va vouloir les manger. Mais on rajoute une couche de sémitisme là-dessus, et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train, si vous voulez, de former une police politique en France aux ordres des juifs, formés à l'idéologie suprémaciste juive, qui repose exclusivement sur l'arnaque de la chambre à gaz magique. Voilà. Et ça, c'est maintenant, hein. C'était ce que je vous dis, c'est à 15 jours. Hein. Donc, voilà. Et alors, il y a la vidéo, puisqu'on y est. Parlons de la vidéo très marrante. Je sais qu'elle a sauté, ils vont peut-être la remettre en ligne, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Parlons d'Henri de Lesquin. Ouais. D'Henri de Lesquin. Moi, je l'ai regardé en intégralité. Comment dirais-je, c'est absolument. C'est lunaire et drôle à la fois. Elle n'a pas sauté, il faut juste s'authentifier et dire qu'on comprend que c'est violent, etc. Alors qu'il ne dit rien de violent. Hein. Mais bon, elle s'est fait censurer très très vite. Hein. Ah bah oui, ça a pris quelques heures. Hein. Il y a des sujets où vraiment ça va très vite, effectivement. Alors, il n'est pas exclu que si jamais on se fait choper par la patrouille, on aille faire un stage de sensibilisation à Auschwitz. Hein. Et puis un stage de sensibilisation accéléré. Hein. On a vu, ce sera assez intense. À mon avis, moi, ils ont déjà, je crois qu'ils m'ont déjà réservé un appartement là-bas, hein, à mon avis. Hein. Ils vont te tatouer le numéro 88 sur les poignets. Ouais. Sans électricité, je le précise. Oui. Je te vois, juif, je te vois. comment dire, vidéo d'Henri de Lesquin qui est quand même très drôle, où il montre en fait les inanimés. Parce qu'en fait, c'est un cours d'embrigadement politique, sachez-le. Donc il explique, hein, je vous invite à regarder la vidéo, allez sur la chaîne d'Henri de Lesquin, regardez la dernière vidéo. Je sais pas si on la trouve, hein, sur la chaîne. Ah oui, bon, de toute façon, le site internet d'Henri de Lesquin. Il faut aller sur le site Démocratie Participative. Si vous tapez Henri de Lesquin dans la barre de recherche, vous pouvez le trouver et accéder au lien comme ça. Non, oui, mais de toute façon, sinon, il a son site aussi internet, Henri de Lesquin, où vous trouverez, je pense, le contenu dessus. Alors, moi, ce qui est, mais c'est vraiment en continuité, parce que pourquoi on envoie les gens à Auschwitz, etc. Bah, c'est pour la même raison qu'Henri de Lesquin est allé au mémorial de la Shoah à Paris. Alors, il faut voir le bâtiment, c'est absolument laid. Cette espèce de bloc de béton dont on a eu parlé, hein. Il y a une phrase qui... Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans un courrier des lecteurs qui nous avait dit « Je suis allé par curiosité dans cet endroit-là, avec une copine à lui. » Vous vous rappelez ? C'était sa petite amie, je crois. Oui. Et il est allé visiter, etc. Ça lui a foutu les jetons, il est sorti. Il s'est dit « Je suis tombé chez les vampires. » Comment dire ? Il est allé là-bas, Henri de Lesquin. Parce que c'est... D'abord, dans quelles conditions ? Parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on lui a reproché deux titres de deux articles qu'il avait écrits sur son site internet. On lui a reproché, comment dirais-je, des propos à caractère hérétique, au vu de l'orthodoxie juive en place, hein, qui est l'antiracisme mensonger au service du suprémacisme juif, donc de la tyrannie juive. On lui reproche ça, il arrive devant le procureur, et on lui dit, bon, pas de poursuite, mais une condition, rappel à la loi uniquement, mais une condition, vous acceptez d'aller faire tchouva au mémorial de l'Holocauste à Paris. De Lesquin veut éviter les procédures, les frais d'avocat, il dit d'accord, allons-y, puis je suis curieux, je veux voir. Et là, en fait, on découvre quoi pendant le truc ? C'est qu'il est, il y a des vieux juifs qui sont là pour essayer de faire du chantage, mais mal en plus, je veux dire, c'est nul, c'est même pas convaincant, c'est naze. Il est entouré avec lui d'arabes, de noirs, quelques blancs qui ont dit, en gros, sale juif quelque part sur Facebook, qui sont soumis au même traitement, qui s'en foutent très clairement, c'est ce qu'il explique. Et puis, il est soumis à toute une série de vieux sachems qui viennent là pontifier, dont un, alors ça, ça m'a fasciné, dont un... Porteur de valise. Un porteur de valise du FLN, c'est-à-dire un communiste. C'est-à-dire qu'il y avait un vieux coco, un vieux communiste, qui avait trahi la France en soutenant l'effort de guerre de l'insurrection algérienne dans les années 50, en qualité de communiste, donc de traître, hein, on appelle ça comme ça, pour utiliser l'Holocauste pour faire la leçon à ceux qui pourraient être peut-être potentiellement un petit peu antisémites. J'ai trouvé ça extraordinaire. Précisons que le type, donc, on parle de quelqu'un qui a du sang sur les mains, du sang français sur les mains. Hein, voilà. Les bichetons qui étaient dans les valises, c'était pas pour acheter des fleurs, hein. C'était pour acheter des trucs beaucoup moins rigolos. Bah, pour aider à commettre des attentats contre des Européens en Algérie, hein. C'était fait pour ça, hein. Des assassinats. Mmh. Donc, précisons, je suppose que ce vieux coco qui vient déverser sa haine sémitique et marxiste contre ceux qui lui sont présentés ne le fait pas, je pense, gratuitement. Non. Je pense que c'est quand même sur subvention de la mairie de Paris et autres organismes, et de toute façon par le contribuable français, voilà. Ou donc vous avez des gens qui ont trahi la France au nom de l'idéologie du communisme dans les années 50, c'est-à-dire le stalinisme, pas besoin d'expliquer ce qu'était l'Union soviétique de Staline. C'est ces gens-là sur lesquels s'appuient les juifs pour semer la terreur en France, contre ceux qui pensent de travers. Payé par contribuables français. Voilà, ça c'est la France. C'est la République française, c'est la République juive française. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette religion de l'Holocauste. Là. C'est bidon. C'est bidon à l'origine. L'utilisation qui en est faite est bidon. Elle est criminelle, mensongère, et c'est fait pour faire taire les gens. C'est du terrorisme juif. C'est du terrorisme. Oui, puis il y a ce qu'on appelait la pornographie mémorielle. C'est quelque chose, un mot qu'avait employé Dieudonné notamment. Il avait été condamné pour ça, je pense. Ouais. Mais dans les fêtes, il y avait, alors j'ai pas réussi à retrouver le papier, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était le site Vox MR, site nationaliste révolutionnaire qui en avait parlé, il y avait une agence de tourisme, peut-être plusieurs, mais en tout cas au moins une, qui avait proposé une formule donc à ses clients, visite du camp d'Auschwitz l'après-midi, soirée en bar à hôtesse et en bar à pute le soir. Donc bon. Il n'y a pas le musée de la saucisse aussi, tant qu'à faire ? Ah bah ça, ils ont essayé en Allemagne d'adjoindre un musée de la saucisse à côté d'un camp de concentration, je crois que c'était à Dachau, je sais plus où. Le projet a échoué. Dommage. Bah, les Allemands étaient partants, les Juifs un peu moins. Pourtant, ça avait beaucoup. Moi, alors là, pour le coup, moi, j'y serais peut-être allé. Bah bon. Partie remise, hein. Saucisse halal ou pas ? Ah non ! Ah non ! Ah non, saucisse bière, hein. Vraiment. Pas vraiment. Oui. Alors, pour l'instant, ces stages, c'est gentil, hein. Tu vois, tu fais des petits ateliers. Bon, je sais pas si ça va durer longtemps. Peut-être qu'après, ça va commencer à devenir un petit peu plus martial, tout ça. Ouais, quelques hommes en armes un petit peu à l'entrée, là, pour revigorer un peu tout le monde, mettre plus d'entrain. Je pense que ça arrive, ça. Oui, oui, bah, un type de la LDJ qui va superviser le truc, ou voire même d'Israël directement. La maison. Ouais, bah, l'armée Tzal, hein. Moi je verrais bien des mecs de Tzal stationnés devant le mémorial, vérifiant les cartes d'identité des. Non, mais c'est ça, moi je le figure assez bien, ouais. Faut attendre un peu encore, ouais, mais. Effectivement, tu vois, un officier israélien qui valide si ton stage est valide ou pas, quoi. Il va te tamponner ta citoyenneté républicaine. Alors je m'étonne encore. Mais là, je reconnais typiquement l'antisémitisme français. Je m'étonne encore qu'on n'ait pas un officier de Tzahal jouant le rôle en fait de commissaire politique dans chaque unité de l'armée française. Ça me choque beaucoup. Moi, pour moi, aumônier, un aumônier de la République. Oui, un commissaire politique. T'appelles ça comme tu veux, quoi. Hein. Voilà, commissaire politique, rabbin. Bon, c'est un peu pareil. Mais comment voulez-vous qu'une armée soit vraiment républicaine sans avoir un officier du renseignement israélien pour superviser le comportement des troupes françaises dans chaque régiment ? Ça me choque, ça, moi. Moi, je suis particulièrement choqué par ce truc-là. Bah, ça a peut-être changé. Ils en ont, hein. Ça se trouve, ils en ont. Puis, en fait, l'astuce, c'est que le mec, il est franco-israélien, tu vois, comme meilleur habit, quoi. Ça se trouve, c'est ça, hein. Ça se trouve, c'est ça. J'en ai pas eu vent, mais ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. À creuser comme idée, suggestion. On a beaucoup de suggestions dans notre émission. Je vous propose maintenant de passer à notre rubrique numéro 2, autisme radical. Notre émission est riche aujourd'hui. Brièvement, mais enfin quand même, un reportage qui m'a, moi, plongé dans une profonde... Je suis resté très dubitatif face à ce reportage, je dois bien le dire. La France a rayonné dans le monde entier, hein, grâce à ce reportage. Le monde entier a rayonné sur la France, tu veux dire, dans ce reportage. C'est ce que j'avais compris, mais j'ai peut-être mal compris. Le reportage s'appelle... Les deux. Ça s'appelle Mère à 16 ans. Hein, Mère à 16 ans. Le reportage a été diffusé sur le site. Je sais qu'il a beaucoup enthousiasmé nos auditeurs et nos lecteurs. Allez, on va faire écouter un extrait quand même de ce moment de vérité, hein, parce que je ne peux pas appeler ça autrement. Et on se retrouve. Angélique est une jeune bordelaise d'à peine 16 ans. Il y a 6 mois, son petit copain l'a quittée. Si Angélique se retrouve célibataire, c'est parce qu'il y a 6 mois, elle a annoncé à son petit copain qu'elle était enceinte. La jeune fille a décidé de garder son bébé contre l'avis de ses parents. Angélique habite dans les environs de Bordeaux. Elle partage encore sa chambre avec Cindy, sa petite sœur de 12 ans. Une vraie chambre de petite fille, à un détail près. Ici, pas de bureau ou de livre d'école, mais une table à langer pour le futur bébé. J'ai le lit, le sac à langer, des couches. Il y en a ici, le savon, la crème de change. J'ai aussi acheté des biberons, un tire-lait. Aujourd'hui, la famille d'Angélique se prépare à accueillir l'enfant. Pascal, sa maman, a même récupéré des layettes chez un ami de la famille. La jeune fille n'a pas de revenus. Comme elle ne veut pas compter sur ses parents, elle doit se contenter des aides allouées par l'État. Bonjour. Avec les allocations de soutien familial, 100 euros, les aides de la CAF, 180 euros, et le RSA, 680 euros, l'adolescente touche chaque mois 960 euros. C'est presque autant que le SMIC. Pendant sa grossesse, Angélique était seule. Le père du petit Ethan a complètement disparu, mais Angélique a pardonné. Le père de son enfant peut à nouveau se présenter chez elle. Ses gestes sont timides. Il s'appelle Brian, il a 20 ans et travaille dans la restauration rapide. Pendant qu'Ethan fait sa sieste, entre ses deux parents, ce n'est pas vraiment la joie. Pendant toute la promenade, Angélique et Brian ne vont pas s'adresser un mot. De son côté, le jeune homme ne quitte pas son fils des yeux comme s'il s'était pris d'une passion soudaine pour cet enfant, malgré 9 mois d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi? Ça a été la nuit? Oui. Il a du mal à s'endormir encore ou ça? Non, c'est vrai, il s'endormit maintenant. Des réponses laconiques, de grands silences gênés. Pour former une famille, il ne suffit pas toujours d'être parent. Ce bébé, il est très important. C'est mon premier, mon tout premier. Je regrette beaucoup d'être absent pendant tous ces mois où elle aurait pu avoir besoin de moi. Moi, je trouve ça trop simple de fuir à la grossesse et de revenir comme une fleur une fois que l'enfant est né. Mes aïeux, bon, il n'y a pas les images, hein, c'est le point faible un peu de l'émission, je dois bien dire, mais je vais quand même laisser la parole au négrologue officiel de l'émission Démocratie Participative d'Eric. Alors, c'est pas un nègre. Non, c'est pas un nègre. Ça sent... Le Bangladesh, un peu. Oui, oui, j'allais dire... Pondichéry, Inde, tout oui, ça. Oui. Tu vois, Mauricien, tu vois, l'île Maurice. Ah oui, bien ça aussi, oui. Ou alors. Bah bon, alors les Mauriciens alors, viennent d'Inde. Hein. Ou alors un rhum qui serait resté particulièrement pur tout au long de ces siècles. Bon, on ne sait pas. Dravidien, c'est du sud de l'Inde, ça ressemble à ça, quoi. Hein. Les espèces de mi-aborigènes, mi-on ne sait pas trop quoi. Enfin, mi-orc, là, putain, là, pour décrire les Oui, décris un peu là, la gueule du bonhomme, un peu, parce que quand même, faut voir, parce que c'est pas juste le fait qu'il soit, il ait une gueule de lava. Alors, mais oui, en plus, oui, on dirait un Picasso. Il a le teint, c'est-à-dire que quand tu le regardes de profil, tu as l'impression que tu le regardes de face. C'est ça. Ça pose problème. Ça, plus les yeux qui sont... Il y a un angle entre les deux yeux par rapport à l'horizon, c'est ça. Qui est d'à peu près 45 degrés. Hein, c'est à peu ça, près. Ouais. Oui, quand il regarde en face, il regarde vers le ciel. Oui, non, mais il y a un œil par rapport à l'autre déjà qui n'est pas à la même hauteur. Ça. Et vous avez aussi. Un sous-marin. Des oreilles. Il y a des oreilles qui. Bah, une oreille, ça reste là, c'est à côté de la tête. Bon, là, c'est plutôt une espèce de coquillage, hein, qui sort de l'oreille, et qui, oui, on voit, une espèce, enfin. Bon, le garçon, ça fait penser à l'univers Star Trek, hein, si vous voulez, hein, c'est un mélange de Spock et de Klingon. Alors, pour être tout à fait juste, le colis qu'il a engrossé, c'est pas un cheval de compétition non plus. Hein. Je veux dire, faut quand même regarder la bobine. Elle ressemble un peu à Shrek. Moi, elle m'a fait penser au film La colline à des yeux. Pour ceux qui connaissent, un film de série B. Ouais. Ouais, c'est. On m'a dit comme fait, ça, c'est pas très tentant. Hein. c'est un vieux truc, mais c'est un film où tu as des gens, bon, des blancs. Hein. Qui sont alors c'est un mélange de consanguinité et de contamination nucléaire quoi. Ça te donne des tronches. Alors dans la famille en question, oui, c'est bien de revenir sur ça. C'est-à-dire que la nana en question, donc cette petite pute qui s'est fait bourriquer par l'animal du village. Brian. Hein. Voilà, donc elle est une jeune. Ouais, un mec qui s'appelle Brian. Quoi. Oui, c'est ça, Brian. Ouais. Et la nana, donc c'est une jeune fille rousse, toute blanche, et ses parents sont foncés avec les cheveux noirs. Excusez-moi, mais je crois que ça se passe dans le sud-ouest, encore une fois. Hein. C'est les mêmes probabilités, les mêmes phénotypes qu'on peut retrouver en Kabylie. C'est-à-dire que tu as des parents qui ont des gueules de chameau, et puis paf, d'un coup, t'as une espèce d'enfant roux au milieu. Il y a des choses qui se sont passées chez ces gens. Hein. Oui, on me suggère une origine lépreuse chez ces populations-là. C'est possible, oui. Ouais, encore c'est pas certain parce que les couleurs de cheveux elles peuvent changer hein, chez les jeunes femmes, c'est assez fréquent. Mais putain, moi c'est les parents quoi, je veux dire, putain la vache, comment ça se fait-il? Là on est vraiment en plein d'hygiénisme, c'est-à-dire que les parents ont réussi à déjà avoir des enfants, parce que visiblement elle a une sœur, et le comble du comble, c'est que cette nana procréer, parce que c'est, faut le dire, c'est une fin de race blanche quoi. Elle est Oui. vraiment dégueulasse, elle est pas très belle. Et 16 ans quoi, à 16 ans, c'est pour ça que voilà que les tendances hypergamiques des femmes, je sais que c'est une théorie qui est très en vogue dans nos milieux. Bon, peut-être mitiger un petit peu ça. Et puis c'est 16 ans quoi. Imaginez si ça elle pond une femme, enfin une fille, qui va faire la même chose à 16 ans, c'est l'apocalypse quoi. C'est le dysgénisme, turbo-dysgénisme. Non, bah je voulais simplement dire que Carrel donc a parlé exactement de ça dans L'homme c'est inconnu, le dysgénisme, c'est-à-dire éviter la tendance des gens qui seraient limités intellectuellement, qui auraient des tares physiques à se reproduire. Ce serait bien qu'ils le comprennent d'eux-mêmes. Bon, elle n'a pas l'air de comprendre par elle-même qu'elle n'a pas du tout les moyens d'engendrer qui que ce soit et d'élever qui que ce soit. Donc, bon, dommage. Parce que ça fait Oh mais... souffrir aussi d'autant les enfants qui viennent au monde, hein, parce que là, l'enfant, il Oui. est... Ah oui, là, oui, là, oui, ça risque d'être Là, si tu carrément. veux, il y a donc, tu as la tare génétique. Bon, ce qu'il y a quand même de bien dans ces coins-là, donc c'est la campagne dans le sud-ouest, c'est que c'est entouré de champs où les agriculteurs utilisent pas mal de pesticides assez bien costauds. Et ben, ça évite à ce que cette population-là ne soit... Oui, ne fasse tache d'huile, quoi. Parce que sinon, enfin, ces gens-là sont semblables à des nègres. Hein. Ouais. Ils te produisent des créatures d'une qualité qui est oui, qui est semblable, qui est semblable à ce que peuvent produire les nègres. Comment dire? Moi, j'ai un point de vue là-dessus. Enfin, oui, enfin, je pense que ça pose la question du système social. En France, du système notamment qui subventionne le pullulement. Enfin, le pullulement nataliste. Alors, les gens sont natalistes dans nos milieux, ils ont raison de l'être. Mais il faut l'être de manière ordonnée. Or, précisément aujourd'hui, le système français, il est nataliste parce qu'il mise sur la quantité. Il mise pas sur la qualité. Or, un natalisme intelligent est un natalisme qui est autant qualitatif que quantitatif, idéalement, et encore. Quantitatif, quand je dis quantitatif, on s'entend, hein, il ne faut pas que ce soit 10 enfants non plus par femme, parce que sinon, je veux dire, vous devenez très rapidement en 5 ou 6 générations le sous-continent indien. Donc il faut aussi savoir, comment dirais-je, s'organiser, mais on va dire, il faut une certaine natalité, aux alentours peut-être de 3 enfants par femme, etc., dans la mesure du possible. Et en tout cas, l'État a vocation à soutenir les familles dans ce sens, mais avec des critères. Or là, on est dans un système ouvert. Là, vous êtes perdant sur toute la... Enfin, je veux dire, les blancs sont perdants sur toute la ligne en France. Pourquoi? C'est probablement pareil en Belgique, je sais pas, je parle sous contrôle de Fulbert. Pardonnez-moi. Sous le contrôle de Fulbert, je connais pas le système social belge, mais c'est probablement le même. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de frontières. Techniquement, il y a des frontières en France, mais il n'y en a plus, tout le monde le sait. Bon. N'importe qui arrive en France. On le voit, c'est même à pied. Hein, frontière franco-italienne, avec Héroux, etc. Vous voyez des hordes de nègres qui arrivent. Grâce à Salvini, le flux est passablement tari, même si ça continue d'arriver. Mais en tout cas, on peut espérer que dans le futur, de ce côté-là, c'est un petit peu réparé. Vous avez l'Espagne qui continue à alimenter le flux. Et puis je parle pas de ceux qui viennent par avion, le plus légalement du monde, avec des visas, depuis l'Algérie, depuis le Maroc, la Tunisie, l'Afrique noire, etc. Bref. Quand vous avez un système comme ça qui est ouvert, avec un nombre de contribuables limité, tout l'argent est déversé dans cette natalité de nègres et de musulmans. On le sait. On le sait. Là, vous financez votre propre invasion. Parce qu'en plus, vous n'êtes même pas gagnant, je veux dire, même en étant. En effaçant complètement le paradigme racial, d'accord? tous ces gens-là, toutes ces pondeuses à nègres, toutes ces pondeuses à bicots, ce qu'elles pondent, ça va même pas ajouter quoi que ce soit à l'économie nationale. C'est évident. C'est une perte nette. Parce que vous avez à intégrer là-dedans les soins de santé, vous avez à intégrer l'éducation, semblant d'éducation, la garderie pendant au moins une vingtaine d'années. Je parle pas du crime adjacent avec les dégradations, les vols, les viols, les trafics de drogue, etc. Et pour certains, la radicalisation islamique qui est déjà en cours. Bon, c'est une perte nette. C'est une perte nette. Bon. Donc, vous pouvez pas avoir un système qui finance le pullulement de races de médiocre qualité sur votre territoire qui veulent s'emparer de votre territoire et du contrôle de votre pays, n'est-ce pas ? De cette façon, au détriment des travailleurs et des familles autochtones, françaises de souche, qui veulent avoir des gamins et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont écrasés d'impôts. À chaque fois que vous financez la naissance d'un de ces nègres ou d'un de ces bicots, c'est un petit français que vous ne pouvez pas aider à faire venir au monde. C'est ça la réalité. Et chaque année, surtout au Nouvel An, alors les médias se déchaînent avec ça. Chaque Nouvel An, on vous présente la nouvelle naissance de l'année et à chaque fois, c'est un nègre. À chaque fois, c'est un... Ils peuvent pas s'en empêcher, c'est une vraie maladie. Après les journalistes vont s'étonner qu'on leur crache à la gueule. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, donc on finance ça, c'est pas possible. Alors là, maintenant que j'ai dit ça, je fais allusion à... Enfin, tout ce dont je parle, c'est directement lié au fait qu'on a des gonzesses de 16 ans, bêtes comme leurs pieds, qui ne maîtrisent pas leur sexualité visiblement, encore moins le processus reproductif, qui, pardonnez-moi l'expression, vont baiser avec d'horribles sous-hommes qui sortent des pires recoins de la planète, et qui remettent sur les bras de la communauté autochtone le coût social du crime biologique commis. C'est incroyable, un truc pareil. Donc quand on a dit ça... C'est satanique. Quand on a dit ça, il y a deux variables. Donc soit vous fermez vos frontières, vous restaurez vos frontières, il n'y a plus personne qui peut venir comme ça, au petit bonheur la chance, bonjour, voilà, je vais m'installer chez vous, et vous allez payer pour. Bon, ça, c'est la première option. On ferme complètement les frontières, et... Le système en question, le système social, ne bénéficie qu'aux nationaux. Donc ce que le Front National a appelé la préférence nationale, je crois qu'ils ont abandonné ça, ils appellent ça la priorité nationale, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais peu importe. Bon, vous avez compris l'idée. Ou alors, vous pouvez pas, pour plein de raisons, des raisons politiques, parce que, je sais pas, bon, peu importe. Et à ce moment-là, on abandonne complètement le système social comme ça, c'est-à-dire de voler l'argent des familles blanches, de voler l'argent des travailleurs blancs, des contribuables blancs, pour financer ce pullulement de sous-races. Et là, c'est les familles qui s'autofinancent. C'est-à-dire que c'est les travailleurs français qui vont payer pour leur propre famille. Mais on leur laisse l'argent. On leur laisse l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui leur est ponctionné pour financer ça ne leur est plus prélevé. C'est chacun pour soi. Mamadou, tu veux faire 10 gosses ? D'accord, mais c'est à tes frais. C'est simple comme concept, vous voyez ? Et vous n'avez même pas besoin de loi raciste. Oui, mais enfin, c'est bien en théorie, ça, mais c'est absolument impossible... puisque ces gens sont là et ne fonctionnent, enfin, ce sont des éponges à l'argent public. Ben, je suis d'accord, mais ça n'est pas l'argent public. C'est la guerre en une semaine. Hein, et je encore, suis d'accord. Une semaine, je c'est, suis c'est d'accord. Large. C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que on parlait de système libéral. Par nécessité, on peut basculer de la solidarité obligatoire et étatique qui est en place aujourd'hui en France à une solidarité communautaire. Volontaire, c'est-à-dire une véritable charité puisque consentie, intra-blanche. C'est-à-dire, je bosse, je finance ce que me coûte ma famille, etc., etc. Voilà. Et je paye plus pour les autres. Voilà. Moi, c'est ce que je préconise. Donc, c'est là qu'on revient au nœud central de tous ces problèmes-là, cet état socialiste dont tu as très bien parlé, c'est-à-dire que le système est obligé d'aller voler l'argent en blanc pour financer tout ça, sinon, effectivement, il y a des conséquences. Mais oui, tout à fait. Hein. Moi, tu vois, quand j'ai vu cette gonzesse, j'ai instinctivement pensé à mes impôts. Ah bah oui. Mais c'est une évidence. Pareil. C'est une évidence. C'est nous qui allons en fait entre guillemets, élever ses chiards. Et à mon avis, ben, il va en avoir une paire, hein, parce que ça se reproduit vite, et plus que les blanches. Hein, imaginez, à 32 ans, elle peut être grand-mère, cette gonzesse. Totalement. Alors que la plupart des Françaises ont leur premier enfant à 32 ans maintenant. Imaginez ça. Et t'as tout à fait raison de rappeler ça, Gandalf, parce qu'on en a assez peu parlé, mais une politique sociale, si on se met d'accord dans un groupe racial restreint de faire un peu de social, ça doit être national, c'est une évidence, et eugénique. C'est-à-dire que tu ne peux pas souscrire à une assurance tout en te disant qu'on va multiplier le risque d'avoir les problèmes contre lesquels tu souscris une assurance. C'est pas logique. Hein. Si tu payes très cher une assurance pour, je ne sais pas moi, éviter que ta bagnole crame, bah, t'évites de la garer dans les coins les plus malfamés de France. Bah, pour la politique eugéniste, c'est pareil. Et tous les pays européens ont abordé cette question. Le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Suède encore très récemment. Au-delà d'un certain quotient intellectuel, on stérilise les femmes. J'en suis partisan. Moi, je pense qu'une femme, quelle que soit sa race, enfin, je parle surtout des européennes, en deçà d'un certain quotient intellectuel, on lui coupe les trompes. Alors, si tu mets 75 de QI, par exemple, là, tu vas déjà stériliser toutes les négresses en France, c'est clair. Hein. C'est une solution. Oui. Après, attention aux politiques eugénistes de cet ordre-là qui ont été pratiquées en Scandinavie, c'est-à-dire que ça a été fait pour sélectionner des individus qui se conformaient à l'ordre en place. Et ça donne le suédois moyen maintenant, c'est-à-dire que l'espèce de truc qui dit oui à tout. Donc, faut oui les QI très bas, oui stériliser les enfin, ces espèces de nanas et compagnie. Non mais je pense qu'il veut parler des débiles légers, lui, c'est ce qu'il veut dire. Oui, pourquoi? Mais en fait, c'est un dilemme. Parce que les juifs veulent contrôler la sexualité et la reproduction des blancs. Et nous, nous voulons faire la même chose pour les populations métèques et étrangères. Et c'est biologique. Et c'est un. Parce que. Et faut pas rêver, effectivement, les juifs. Moi, je pense que bientôt, on va arriver, effectivement, au permis de procréer. Et si t'es méchant et si t'es pas républicain, effectivement, on va te restreindre peut-être ton nombre d'enfants. Je pense, enfin, ça pourrait arriver. Hein, c'est pas interdit. Mais la mise en avant des privilèges blancs de manière très poussée dans le monde anglo-saxon qui commence à arriver en France, ça pour oui. Alors si c'est mis, ça débouche sur ça quoi. Si c'est mis en place, si c'est mis en place avec la rigueur de l'administration française coutumière, on peut être assez tranquille. Hein, je veux dire. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'empêcher la garde des enfants. Ce dont ils ne se privent pas de faire. C'est-à-dire que maintenant, si un père de famille est considéré comme ayant de mauvaises idées, ça, c'est utilisé contre eux. C'est utilisé contre eux. Oui, père ou mère, hein, c'est les droits parentaux. On a vu ça dans le cas de. C'était un courrier des lecteurs, me semble-t-il. Oui, il y a des. Si tu as des condamnations, voilà, tu. Non. Parents, non. Non. Ton nom de la mère. La République va s'en occuper. Hein. Exact. De toute façon, d'ailleurs, précisons qu'en France, de toute façon, les enfants appartiennent à l'État. Oui, donc, l'ancien ministre de l'Éducation qu'on avait parlé. Ouais. Oui, donc, ceux qui sont les propriétaires de l'État, de facto. Hein, je m'en veux de devoir parler des juifs encore une nouvelle fois, ben voilà, mais oui, mais on revient toujours un peu au même problème. Voilà, donc vos enfants ne nous appartiennent pas, si ça pose problème, on fait intervenir les horribles rombières des services sociaux. Hein, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les services sociaux. Hein. Là, les assistantes sociales, il faudrait faire le procès des assistantes. Vous savez, à Nuremberg, il y a toute une série de sous-procès. Le procès des ministères, les trucs. Il faudrait faire aussi toute une série de sous-procès, et notamment le procès des assistantes sociales. Il y a beaucoup de gens qui doivent répondre de leurs actes. Hein. Oui, alors moi je considère les assistantes sociales comme des assistées sociales. Bah, comment? C'est une maladie contagieuse. Oui, enfin, non, ce sont des auxiliaires, hein, surtout. Des auxiliaires. Oui, particulièrement attentionnés. Les chevilles ouvrières de l'invasion, quoi. C'est ça, totalement. Tu as beau être, si tu es sérieux, t'es un blanc un petit peu, ouais, c'est pas trop, bon, oui, non, c'est très bien, monsieur, très bien, voilà, on reviendra vers vous. Par contre, Mamadou, Abdelaziz, oui. Cours de français. Abdelaziz, Mamadou, Fofana. C'est ça. Non, mais c'est juste. Enfin bon, voilà, avec ce système nataliste complètement délirant, social internationaliste, et non pas national-socialiste, vous l'avez bien compris. Donc avec ce système social internationaliste qui finance la reproduction des nègres et des mahométans, ben en fait, on est en train de créer les conditions objectives d'une guerre civile. Voilà ce qui est en train de se passer. Et de toute façon, d'un effondrement de la cohésion sociale en France. Voilà. C'est ni plus ni moins. Tout allait très bien dans les années 50 en France. Il y a peut-être des problèmes de salaire, de trucs comme ça, mais on a créé, de toutes pièces, les conditions d'un affrontement interethnique, interracial, et de plus en plus aussi vient se surajouter à ça le phénomène de l'expansionnisme islamique. Donc voilà, grâce à des conneries comme ça, les bonnes intentions des bonnes femmes, hein, parce que c'est ça, hein, le maternage des nègres, c'est absolument conditionné de A à Z par ces bonnes femmes complètement malades qui ont besoin de materner du nègre, hein. C'est totalement ça, hein. Totalement. Oui, oui, et puis la mise en compétition des hommes de toute race aussi. Oui, ça joue beaucoup. Voilà. Ouais, avec la citoyenneté française qui est bradée, donc du coup, on peut même pas faire des lois de type préférence nationale ou autre en disant les familles françaises auraient le droit à ça et pas les autres, puisque finalement, maintenant, tout le monde est français. Tout le monde est français, je suis français, moi. Je suis français. Oui, autre. C'est. La préférence nationale, c'est déjà dépassé, hein. C'est trop tard. Oui, voilà, ou le débat autour du salaire maternel. Si on parle de ça, c'est mort, c'est fini, c'est-à-dire qu'il faut, et je pense qu'il faut y aller, il faut parler clairement de préférence raciale, quoi. Et il est temps de remettre à jour le logiciel, c'est-à-dire préférence nationale, c'était sous-entendu dans les années 80 par Jean-Marie Le Pen. Les gens qui détiennent la carte d'identité française, si vous voulez. Bon, dans les années 80, 95%, allez, en étant très négatif, 90% des gens, c'était des Français de souche. Aujourd'hui, si vous voulez, détenir une carte d'identité française, ça n'offre aucune espèce de garantie, sur aucun plan, quoi. Donc quand vous dites préférence nationale, excusez-moi aujourd'hui, mais tout le monde a des papiers français. C'est pas un critère. C'est un seul problème, d'ailleurs. Sauf si vous mettez en place une politique de dénaturalisation... voilà, de tous ceux qui ont obtenu la nationalité française après 1962. Voilà, par exemple, à ce moment-là, oui. Qu'est-ce qu'avait proposé Maigret d'ailleurs? Bruno Maigret avait parlé de ça, dénationaliser les gens. Ben, il avait tout à fait tout compris. Mais comme je pense que c'est un tel merdier institutionnel, enfin, en l'état actuel du rapport de force électoral, etc., c'est un tel merdier, je crois que ça va plus. Ça veut dire, on n'a pas d'argent, on supprime. Oui. Ça irait plus vite. Sinon, notre cher prix Nobel de médecine 1913, Charles Richet, parlait de loi raciale déjà à son époque. Le bien inspiré. Non, mais je veux dire, là, moi je fais un petit tacle au Front National. Bon, je sais qu'il joue les. Enfin bon, j'attends rien du Front National, mais je veux dire. C'est pas tellement le parti en lui-même, je m'en fous du parti, mais je veux dire, ceux qui sont encore sur ces vieux slogans-là, préférence nationale, ça. Et d'ailleurs, notez bien comment le Front National, Marine Le Pen, comment elle en a fait un argument. Je parle de préférence nationale, pas de préférence. Raciale, elle le dit elle-même, elle dit attendez, oui. ça n'a rien à voir avec le racisme, la preuve, c'est national, je veux aussi aider nos nègres à pouvoir bénéficier de tous les trucs, non mais je veux dire, l'état social c'est juste plus possible, sauf les préconditions dont on a parlé, mais dont on sait qu'institutionnellement, alors sauf révolution, on peut pas les mettre en place à moyen terme, on le sait là, je veux dire qu'on te, ben voilà, bon, je dis pas que c'est impossible à terme, mais il y a beaucoup d'autres moyens de parvenir à la même fin. Et pour moi, c'est ma voie préférée actuellement, c'est de faire en sorte que les travailleurs blancs, les familles blanches, les Français de souche, gardent leur argent qu'ils gagnent à la sueur de leur front. Voilà. C'est tout. C'est la meilleure façon de procéder. C'est la manière la plus. Indolore. La plus tolérable d'avancer nos pions dans le système bolchevique français. Voilà. C'est ça. C'est le moyen le plus acceptable de ne pas avoir les juifs qui viennent te renifler le cul dès que tu ouvres la bouche. C'est ça. Ils peuvent dire bon ouais on a du pognon, ils veulent pas qu'on prenne le pognon, ouais pourquoi pas, à la limite. Mais oui, être ultra libéral. Alors, c'est oui, ça. Marine Le Pen va hurler. Hein. Petit aparté, j'ai encore eu cette pute là faire l'émission politique cette semaine. Ah oui, elle est intervenue. Ouais, ouais. J'ai pas regardé, moi. J'ai pas... Non, oula, attends, c'est... je préfère. Bon, en face. Ils ont mis des peintres en face. Hein. Ils ont mis des... Qui c'était? C'était limite. Le ministre de Macron là, qui a fait genre qu'il n'était pas candidat aux élections européennes, mais finalement oui. Il n'y a pas eu Attali aussi. Il y a eu Attali aussi qui a dit que. Enfin, qui s'est renié, quoi. En gros, je ne suis pas cosmopolite. Non, mais nationaliste, Nathalie. Ils ont mis une arabe, une espèce de. Oui, d'arabe hurleuse totalement délirante. Donc en gros, Marine Le Pen en arrivant les doigts dans le nez, sort comme étant une opposante crédible au système. Oui, bon, c'est bien, ils nous refont le truc, ils nous reconstruisent le... Ouais, non. Bon, les grosses ficelles du père Macron. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'était, j'avais l'impression de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, c'est, on ressort le truc. Quoi. Bon, parlant de ça, elle était nulle au niveau économique, genre, je sais plus... Le SMIC qui coûtait 40 euros, enfin bon, bref. Elle a été nulle, vraiment au plan économique. Oh, ah oui, elle était nulle. Ah, elle était nulle. Ah bon, elle a été nulle, mais les gens apparemment ont aimé. Enfin, en tout cas, les sondages ont dit que. Les sondages ont choisi que les Français avaient apprécié. Voilà. Bon, d'accord. Quelqu'un d'autre a regardé? Moi, j'ai pas regardé, je confesse, donc je vais pas m'exprimer là-dessus, mais quelqu'un d'autre a regardé? Elle est pour le. Elle était que comment dire elle a embrassé le programme mélenchoniste de rétablir l'ISF voilà c'est on arrive à ça ouais. En sachant que quoi, quand là. Il était en place ça a tellement fait la différence en France hein. oui non mais oui on avait le robinet d'eau froide d'eau chaude et de pinard hein, à l'époque vous rappelez c'était comme ça il y avait puis, y a eu c'est de l'électoralisme bas de gamme. Je crois c'est pas ça, qu'elle le croit elle-même. Oui. Écoute, si on en croit une grosse députée, Peggy la cochonne. Hein, mais porte-t-elle seulement bien son nom? Je te pose la question. Les maigrettistes auraient pris le pouvoir au Front National, hein, selon elle. Bon. Ah ben j'ai ressenti. Bah, Ah bon? Bah il y a Nicolas Bay, oui, mais à part lui. Ouais, je l'ai pas ressenti, moi. Je sais pas, c'est... Bon, il y a Stéphane Ravier qui m'a fait marrer avec son numéro avec des Algériens qui se barrent tous en Algérie. Bon, j'ai bien aimé. Voilà. Il y a que lui, effectivement, voilà. Lui, il est intéressant. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est le seul qui est raciste, en fait. Encore, voilà, c'est ouais. Ça. Et encore, c'est méchant. Je suis méchant parce que... Bon, il compose aussi avec ses Arabes à Marseille. Bon, à Marseille, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. Même... Tu es à Marseille pour être encore pour survivre dans cet environnement-là, faut quand même avoir du cran. Quoi. Oui, tout à fait. Mais bon, comment dirais-je, il y a des gens. Ah bon, il est élu, il est sénateur. Je veux dire, faut pas non plus penser qu'il va faire des discours, voilà. Hein, mais ce qu'il fait, c'est déjà très bien pour le voilà, coup. Voilà, ça m'a fait marrer, quoi. Je veux dire, puis de toute façon, c'est ce qu'il fait. Mystère, c'était vraiment drôle parce que la réaction des journalistes, ça a été vraiment le choc. Quoi. Comment osez-vous? Comment ça, c'est ça, quoi, je veux dire. Mais quoi, putain, mais t'as tous les bougnoules en train de faire la révolution dans les rues de Paris, mais qui se barrent dans leur bled à faire la révolution, alors? Alors, il y avait aussi le. Bon, c'est une séquence, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi, une séquence où Stéphane Ravier commente l'élan patriotique des franco-algériens en France par rapport à la situation en Algérie. Donc, voilà, il invite les Algériens à. Les patriotes algériens. Les patriotes algériens à se rendre en Algérie pour participer à la vie politique de ce charmant pays. Et donc sur le plateau, je crois que c'est LCI ou CNews, je sais plus. Les journalistes sont là, et puis tu as l'homme total, c'est-à-dire le PD juif communiste Yann Brossa qui lui qui se contorsionne. Là, il est là, c'est comme s'il avait été aspergé d'eau bénite. C'est ça. Bah, comment dire, il dit oui qu'ils aillent tous en Algérie pour pour mettre en place une société pour le bon vivre ensemble, ou une formule comme ça. Exactement. C'est fou de l'oreille, là, c'est... Bon, écoutez, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Toutes celles et ceux, tous ces Algériens qui manifestaient en France, eh bien, vont pouvoir rentrer au pays. C'est... Oh. Et oui, ils vont pouvoir rentrer au pays. Et c'est ils quand même incroyable de pouvoir amener en permanence à l'immigration tout le temps. C'est hallucinant. Moi, je les ai entendus. Vous n'êtes pas heureux pour eux. Vous dites que c'est l'occasion pour vous de rentrer dans votre pays. Si l'on me laisse finir, je vous dirai pourquoi. Nous les avons entendus, on appelait au changement. Ils en avaient marre de ce pouvoir corrompu, de mafieux. Et on les sent patriotes. Et le patriotisme... Ils ont les deux nationalités, vous le savez. Et le patriotisme va sûrement les conduire. Cette opportunité, ça semble être une opportunité, même si on voit bien que c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui a été nommé Premier ministre, donc le pouvoir FLN reste bien en place. Bon, il y a quand même une opportunité, il faut qu'il la saisisse et qu'il retourne, qu'il rentre en Algérie pour construire une nouvelle Algérie plus démocratique, plus ouverte, plus libre, qu'ils instaurent là-bas le vivre ensemble. Patrick Oh, à Yann Brossa. Oh là là là là. Non mais, enfin moi, je si le Front National ou le Rassemblement National veut faire quelque chose, veut être un petit peu dynamique, qu'il mette Stéphane Ravier à la direction au pôle communication. Voilà. Et c'est lui qui doit dicter la ligne. Bah, ça serait déjà. Bah, déjà, franchement, moi, j'étais plus du tout habitué au Front National parlant d'immigration en des termes directs. C'est-à-dire de dire les bougnoules, barrez-vous. Je veux dire, ça fait quand même du bien. Je veux dire, ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais. Moi, je veux dire, les discours marxistes de Marine Le Pen, c'est même pas que ça m'use, c'est que ça me file la tachycardie. Donc, moi, j'évite. J'écoute plus maintenant. Dès que je la vois avec. Puis alors. Elle a des lunettes. Depuis mai 2017, il y a autre chose, c'est les lunettes. Alors attention, avant elle avait des lunettes. Ah oui, elle a fait une erreur, maintenant elle a compris, donc elle a réfléchi à la lunette. Voilà, c'est ça. Alors avant elle avait des lunettes comme ça, mais maintenant elle a des lunettes. Alors pour faire comprendre qu'elle a des lunettes, les montures, si vous voulez, elles font 1 cm. Ouais. Comme ça, pour pas que tu loupes le fait qu'elle ait des lunettes. Et elle monte sa gueule avec... Moi je peux... Non, elle fait comme les nègres, tu vois. Alors, exactement. Ah oui, c'est Lilian Thuram, hein, c'est pareil. Hein. Ça me rappelle l'émission des Inconnus, là. Comment ça s'appelle, c'est, là t'as, ils échangent et tout, là. Puis t'as le nègre à lunettes avec son calot léopard, là. C'est fou. Hey, mais ça a inspiré Eddy Mélou. Ah oui. Émission sur le rire, la parodie des émissions d'Arte. Alors, on a trouvé le versant féminin d'Eddy Mélou, Marine Le Pen. Voilà. Non mais j'en rigole, mais putain, moi j'ai donné tous mes bulletins de vote à ce parti. Enfin, c'est terminé maintenant, quoi. Je veux dire, il faut qu'elle dégage, la grosse. C'est Zemmour qui a une bonne phrase sur elle. Il a dit, elle se rêvait Evita Perón, elle finira Marie-Georges Buffet, mais c'est exactement ça. Bon. Oh la vache! Rendons à César ce qui est à César et à Zemmour ce qui est à Zemmour, c'est une phrase particulièrement assassine et méritée. Mais puisque au Front National il y a quand même une tradition de poupouch, pour reprendre la formule de Jean-Marie, peut-être que dans l'entourage, les gens lucides peuvent peut-être glisser, oui. Je sais pas, des pots de banane à droite. Ouais, non, mais alors, le problème, si tu veux, c'est-à-dire que là, Ravier, c'est bien gentil parce qu'il est dans le sud, mais tout ce qui tourne autour de Marine Le Pen, oui. S'il doit y avoir une peau de banane sur un escalier, ça sera. Oui, c'est le parti qui va tomber. C'est ça que tu veux. Mais c'est pas ça, c'est que c'est pas que le parti, c'est-à-dire que ça va être pour que l'anus de toutes ces fiottes qui tournent autour triomphe encore plus. Attendez, enfin, sortez les parapluies, quoi. Attendez, alors moi j'ai une. Quand Monsieur Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Ouais, ça c'était de Le Pen, c'était bien trouvé. Non mais regardez, l'Obs de cette semaine, voici ce qu'ils nous disent. Enfin, je vais pas lire l'article, mais juste le titre. Soupçon d'emploi fictif, perquisition dans les locaux du Rassemblement National à Perpignan. D'accord. Je lis encore. Le parquet de Perpignan enquête sur des soupçons d'emploi fictif visant Mohamed Belbou, ancien assistant de Louis Alliot. On dirait un sketch. Non mais tu vois, non mais ça c'est la maladie du juif d'Algérie quoi. Le mec s'il a pas son arabe à côté de lui, il est mal. Il a besoin de son arabe, tu vois. Mais ça c'est une maladie quoi. Et alors ces mecs là, ils ont quitté. Alors enfin, je parle de lui là, du comment dire. Bon, j'arrête de dire des mots méchants, mais comment dire. Bon, lui là, Aliot, c'est quand même fou quoi. Je veux dire, il arrive en France, non. C'est comme Enrico Macias. S'il y a pas l'Algérie au-dessus de sa tête, ça va mal. Attends, hey, le Aliot, il a eu besoin des juifs de Perpignan pour se faire élire. Et qu'est-ce qui s'est passé au Parlement européen, mm-hmm. où siège Aliot? Il y a eu une exposition de photographies sur les gitans de Perpignan. J'ai appris ça dans le bouquin de Peggy La Cochonne. Alors donne le nom, c'est le bouquin de Sophie Montel qui s'intitule comment? Oh, c'est Bal tragique au Front National. Bal tragique au Front National. Bon, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver, je pense, en PDF en ligne. Apparemment, ça a l'air de regorger d'éléments intéressants sur, malheureusement, ce qui fut un grand parti. Non. Oh, oui, un parti prometteur. Ce qui a pu l'être. Ce qui aurait pu. Oui, c'était intéressant, mais un grand parti, faut pas déconner. Ah, bah attends, dans les années 80, il y avait quand même 15% de gens qui votaient racistes. Et puis c'était raciste, hein. Ouais, bof. Ah, si. En tout cas, ce qui est marrant dans son bouquin, c'est que tout ce qu'on pensait du Front National vu de la droite du parti, c'est-à-dire que c'est un parti de gens médiocres et quand même de PD sans aucune conviction, est vrai. Sauf que c'est quelqu'un qui vient de la gauche du parti qui le dit, donc c'est quand même assez conséquent. Oui, parce que Sophie Montel est une proche de Philippot et qui a régulièrement expliqué... Une ancienne, oui, parce qu'il y a eu de la scission. Mais c'est quelqu'un qui a expliqué que voilà, elle était pour la reconnaissance de l'homosexuel. Enfin, toutes les thématiques sociétales de gauche lui plaisaient quoi. Hein, c'était son truc. Et elle a trouvé que Philippot était génial. Alors entre autres choses, parce que c'était un PD. Donc c'est pas du tout une espèce de néo-nazi, aigri qui en voudrait à Marine Le Pen de ne pas l'avoir fait monter. Au contraire, hein, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, donc qui est sur la ligne de Marine Le Pen, à savoir la normalisation judéo-socialiste, hein, LGBT. Ouais, alors c'est une militante historique. Hein. Mm. Elle est dans le parti depuis 87, je crois. Donc je pense qu'elle a dû changer de ligne. Mais elle, effectivement, elle vient de Terre et Peuple à l'origine. Ouais, mais à l'origine. Hein. Mais en fait, oui. ce qui dans les années 90, elle parlait de différences raciales. Hein. Ouais. Elle a vite changé. Hein. Ouais, je pense que ce qui est terrible, c'est que malgré tout, ça doit être une des plus bosseuses du parti, quoi. C'est ce que j'en ai retenu de son bouquin, c'est que c'est une bande de branleurs, mais vraiment, ils sont là parce qu'il y a du pognon, quoi, c'est tout, quoi. C'est un cartel électoral. Ouais, du pognon. Oui, enfin, il y a surtout, c'est, comment dire, le parti s'est particulièrement endetté, donc si vous êtes encore militant au front, pensez bien à tout ça lorsque vous allez régler votre prochaine cotisation. Oui, le parti s'est endetté parce qu'il y en a qui s'engraissent de l'autre côté. 24 millions d'euros pour un parti de cette taille, c'est quand même beaucoup, effectivement. Est-ce que vous voulez dire que Marine Le Pen a pris du poids? Est-ce que c'est l'alcool qui leur a fait grossir ou plutôt... Bah écoute, grossir, 2000 euros net en plus de ces différents mandats. C'était augmenté après les élections présidentielles, oui. Je crois. Après, oui, ou oui, parce après, après. Bah oui, parce qu'elle avait fait une bonne prestation, du coup, c'était augmenté. Elle a eu raison, c'est vrai. Elle avait acheté une nouvelle monture de lunettes. On va vérifier. Et puis c'était bien mérité, puisque c'est elle qui s'est augmentée, donc c'est bien quand même un critère pertinent, quoi. Allez, les amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour la discussion de la semaine. I am the god of hellfire, and I bring you fire. Saved and earned, but all of it's gone to burn. Had your mansion shining bright, you know you Nous revoici pour cette deuxième partie de l'émission Démocratie participative, saison numéro 4, épisode 11. Rubrique suivante, rubrique numéro 4, numéro 3, pardon. Le sale juif de la semaine. Sale juif de la semaine, faut quand même qu'on dise un petit peu du mal des juifs. Alors là, c'est Le Figaro Madame qui nous en parle. C'est cela même. Alors, le titre, c'est une arnaque sur Tinder. Vous allez voir, c'est intéressant. Je lis l'article. Donc, dès le premier rendez-vous, il sortait le grand jeu. Les emmenait faire un tour dans son jet privé, direction les meilleurs restaurants gastronomiques, les plus beaux hôtels. Tout était faux. Un Israélien de 28 ans est accusé d'avoir escroqué plusieurs jeunes femmes qu'il avait rencontrées sur Tinder au Royaume-Uni, en Suède et en Norvège, se servant de l'argent de l'une pour mentir à l'autre. Le tabloïd norvégien Verdens Gang a publié en février le résultat de 6 mois d'enquête à la recherche de celui qu'ils appellent le Tinder Swindler, l'escroc de Tinder. Auprès de ses conquêtes repérées sur l'application de rencontre, Simon Hayut se présentait comme le fils de Lev Leviev, roi du diamant, et l'un des hommes les plus riches du monde. C'est la version qu'il a servie à Cecilia Schroeder, je ne devrais pas prononcer son nom, c'est trop complexe, c'est en scandinave, désolé. Voilà, Cecilie Schroeder, voilà, ça je peux le dire. Longtemps interrogée par le magazine, le tabloïd donc, la Norvégienne de 31 ans raconte avoir rencontré le jeune homme sur Tinder en janvier 2018, alors qu'elle se trouvait à Londres dans le cadre de ses études. Ses photos étaient très tape à l'œil, il était beau, donc j'ai décidé de swiper vers la droite, confie-t-elle au tabloïd. Auprès du jeune homme, la jeune étudiante qui vient d'une petite ville près d'Oslo croit vivre un rêve éveillé. Dès le premier rendez-vous, il l'emmène faire un tour en avion jusqu'en Bosnie, mais vite, un mois après leur rencontre, les messages d'amour laissent place à des demandes plus étranges. Le pseudo homme d'affaires presse la jeune femme de lui virer des sommes d'argent toujours plus grosses, prétextant craindre pour sa sécurité et ne pas vouloir laisser de traces d'opérations bancaires. Sous le charme et convaincue de son honnêteté, Cécilie s'endette à hauteur de plus de 200 000 euros en plusieurs fois. Sans savoir qu'à des milliers de kilomètres de là, son argent sert déjà à financer des cadeaux pour les nouvelles conquêtes de l'escroc. Qui un sac de luxe, qui des Louboutins, qui une suite au Ritz-Carlton de Berlin. Selon le quotidien israélien Haaretz, Simon Hayut, le vrai, a grandi dans la banlieue de Tel Aviv, à Bnei Brak, une ville connue pour être un foyer de juifs ultra-orthodoxes. Il aurait déjà fait 3 ans de prison en Finlande pour avoir escroqué 3 autres femmes. Extradé en Israël pour y être jugé en 2017, il a été libéré sous caution, avant de disparaître des radars. C'est à ce moment-là qu'il se serait inventé ce personnage de millionnaire pour séduire de jeunes européennes. Il est actuellement recherché par la police de son pays et signalé pour escroquerie en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Comme l'explique le tabloïd, il a récemment été aperçu à Munich. Lev Leviev, son père de substitution, le vrai, a porté plainte contre lui auprès de la police israélienne. Même son avocat israélien assure être sans nouvelles de lui. Peut-être est-il au fond d'une mine ? Point d'interrogation. Qui veut réagir sur ce juif dont j'ai vu le portrait ? Alors, ils vous disent qu'il est beau, etc. Non, excusez-moi, oui. J'ai regardé. La presse nous disait que Mohamed Merah était d'une beauté à faire payer le monde entier. Ben c'est le même type de beauté. Voilà, c'est ça. C'est un espèce d'iguane du désert, hein, quelque part entre le Maghreb et le Sinaï. Ça a cette gueule-là, quoi. Bon, c'est vrai que ce sont des Hébreux qui tiennent la presse. Peut-être que ce sont les canons de la beauté de 2019. Hein. Oui, je ne suis pas au courant. Alors déjà ça. Puis deuxième point, c'est la Norvégienne qui dit qu'elle le trouvait beau. Alors, en fait, les femmes vous trouvent beau en fonction de la taille de votre portefeuille aussi. Hein. Je veux dire, c'est évidemment... Hein, Oui, la taille du portefeuille estimée. Estimée, oui. Sale juif, oui, mais quand même, moi, je le trouve bien sympathique, ce juif. Bah, détrousser les putes, Détrousser les putes pour en attraper d'autres et les détrousser ensuite. Voilà. Écoute, Robin des putes, j'ai tendance, celui-ci, si tu veux, bon, si parmi les juifs, il faut faire des lots, des généralisations, oui, mais peut-être que celui-ci aurait des traitements privilégiés, je ne sais pas. Hein. Préférentiel, disons. Oui. C'est retourner la vénalité féminine, c'est quand même de toute beauté. Quoi. Bah, là, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que le juif en question, lui, il a tout compris des femmes. Ah oui. Ah, lui, il a tout compris des gonzesses. Il sait comment ça marche. D'accord. Donc, il y a toujours les couillons. Tiens, je vais lui écrire un poème, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est voilà. Comme elle le dit, ah, il était tape à l'œil. Ah ouais, il avait du pognon, quoi. Il avait le jet, etc. Voilà. Et oui. Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, il s'est fait passer. Enfin bon, il a arnaqué. Il a mis des juifs bien riches dans l'embarras. Non, mais ce juif est excellent, hein, je dois l'avouer. Alors, excellent, on s'entend. Pour moi, c'est un immonde youpin horrible. C'est un juif, c'est normal. Voilà, bon, voilà. Ouais. Il est vraiment répugnant. C'est ça, l'histoire de la juiverie. C'est que la juiverie est révélatrice de la pourriture au sein d'une société, en fait. C'est-à-dire que si une société déjà tolère le juif, elle est décadente, premièrement, et le juif va être un accélérateur de fermentation, en fait. Et tout ce qui est pourri à l'état latent va pourrir 10 fois plus vite au contact du juif. C'est la fonction du juif. Et donc, vous voyez qu'à l'état latent, il y a des putes scandinaves, en fait, qui ont envie... De tarifer, en fait, hein, leur relation sexuelle, hein, voilà, ça c'est pas dit comme ça, mais ça revient à ça. Sauf qu'elles se font rouler dans la farine parce que, elles sont tombées sur des juifs. Voilà, oui. C'est-à-dire que, c'est tarifé, mais c'est elles qui payent. Ce qui est quand même, pas piquer des verres, quand même, comme formule, mais bon, voilà. C'était une pyramide de Ponzi de la pétasse, en fait. Le rabbin des putes. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Derek? On m'entend là, bien. On t'entend bien. Ouais, désolé, petit problème de connexion. Oui, par rapport à ce que tu dis, effectivement, le juif est un accélérateur. Alors, c'est-à-dire que tu as un tas de fumier, tu vois, le tas de fumier, ça émet des gaz. Et puis, tu as le juif qui arrive, c'est la flamme. Et ça fait tout exploser. C'est un catalyseur, un accélérateur, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il a cette fonction-là. C'est Renoir qui a même parlé de ça dans ses réflexions sur les juifs. C'est assez intéressant. Oui, mais c'est universellement reconnu. Enfin, je veux dire, universellement reconnu par ceux qui sont lucides, je veux dire. Mais oui, tout à fait. Voilà. Oui. Alors bon, du coup, les pétas se sont endettés. Bien fait pour votre gueule. Hein. Voilà, c'est... Le roi du diamant, je trouve ça extraordinaire. Oui. Le roi du diamant. Alors, tu sais, quand ils ont dit ça au fond d'une mine, alors je pense qu'ils faisaient une allusion au diamant, mais c'était un petit peu acide comme blague, puisque au fond d'une mine, c'est généralement là où on se débarrasse des corps. Hein, donc, je sais pas trop ce qu'ils voulaient dire. Je disais, je suis pas inquiet pour ce genre de type, hein, parce qu'en fait, c'est souvent des binationaux, triple nationaux, d'ailleurs, on sait même plus, même eux, ils savent même plus. Et puis, en fait, il est pas au fond d'une mine, hein, il est, je sais pas, à Tel Aviv ou j'en sais rien, en Israël, et puis si jamais il commet des trucs, en dehors du pays, il sera très bien protégé. Il y a eu des précédents, hein, des types même qui ont commis des meurtres en France, et après qui sont partis en Israël tranquillement, ils ont jamais été trop inquiétés. Hein. Ah, mais celui-là, il est recherché en Israël parce qu'il a fait chier justement le roi du... Ah oui, il a fait chier un autre juif. Il a fait chier un top youpen, donc ouais, c'est pas bon, quoi. Voilà, il a fait un des juifs les plus riches, en se faisant passer pour lui, pour escroquer. Alors, l'Uber juif escroc est mécontent parce que... Ouais, faut faire gaffe parce que les juifs, ils ont tendance à se calibrer entre eux quand même. Oui. Bah, Mimran. Mimran, hein. C'est quelque chose. Voilà, c'est ça, hein, meilleur Habib. Hein, voilà, des gens bien sous tout rapport, n'est-ce pas? Bon. Voilà, donc ça c'était le moment conte de fées, avorté, mais conte de fées quand même. Hein, voilà. Je voulais quand même souligner quand même l'appétence naturelle du juif pour les femmes du Nord, hein, vous aurez remarqué. Hein, oui. Non, mais puis Rappelons, hein, parce que nous ne l'avons pas fait, qu'il est urgent de ramener ces nanas tout à fait égarées, perdues dans tous les sens, dans le droit chemin. Hein. C'est ce qu'on appelle la charia blanche. Oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Donc les femmes. Oui, bah oui. Quelqu'un d'autre sur cette belle histoire ou pas spécialement? Non. C'est un côté Bamako. Poutre de Bamako, je trouve, tu vois. Côté ouais, brouteur, mais version cachère, avec quand même quelques points de QI en plus. Oui. Charlie, enfin, c'est bien le juif, hein, en général, d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. C'est... Ouais, exactement. Les amis, je vous propose de passer au thème de la semaine. Alors. Bon, le thème de la semaine, en fait, c'est ce qui s'est passé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Alors, pas les faits en eux-mêmes. Que tout le monde connaît, bon, je pense que nos auditeurs connaissent les faits, donc c'est plus le traitement médiatique et politique qui a succédé aux faits qui va nous intéresser dans cette deuxième partie, puisque en fait ça révèle beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer. Donc, bon, pour les faits en eux-mêmes, je pense que vous êtes au courant, je pense, je présume, mais bon, peut-être que certains ne le sont pas. À Christchurch, une ville de Nouvelle-Zélande, donc dans l'hémisphère sud, près de l'Australie, un homme a ouvert le feu dans deux mosquées, mais principalement une, et il a abattu les musulmans qui s'étaient rassemblés pour prier, donc un vendredi, et le bilan est officiellement, je crois, si je ne m'abuse, de 50 morts. Donc voilà, il a filmé la scène, l'a diffusée en live sur Facebook, la vidéo a fait le tour du monde, elle a été... je crois, mise en ligne sur Facebook, uniquement Facebook, 1,2 million de fois, je crois, hein, je crois que c'est ça. Hein. Donc une vidéo qui a fait absolument le tour du monde, qui a été vue partout. Ouais, enfin, 1,2, c'était sur le Facebook du mec, voilà. Avant que ce fasse Non, c'est pas les partager, hein, c'est l'upload sur Facebook par des utilisateurs Facebook. Ah, le nombre d'uploads, oui, d'accord, qui a été supprimé depuis. Voilà, quoi, hein. 1,2 million. Considérable. Oui. Évidemment, ça parle pas de tous les autres moyens de la visionner, bien sûr. Donc voilà pour les faits, c'est la première fois de mémoire que l'on voit une attaque dans le monde occidental contre une mosquée qui se termine par des morts et à tout le moins de cette ampleur. C'est la première fois aussi, me semble-t-il, que c'est filmé. Je parle pas de zone de guerre, etc. Hein. Je parle bien de, voilà, de ça, et je parle bien, pour ce qui concerne, une action contre... une mosquée, hein. Je parle pas de djihadistes, etc., qui filment déjà leurs exploits. Mohamed Merah avait filmé son truc. Je ne fais pas une équivalence, hein. Je dis simplement, je détaille que ce principe de filmer n'est pas nouveau, hein. Bon, voilà. Voilà pour les faits, vous connaissez, etc. Alors, je vais pas donc revenir sur le détail technique, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, les réactions politiques. On va commencer par là. La narration officielle, ça commence comme ça, c'est simple, bon, les médias en parlent, une attaque, machin, on parle de terrorisme, bien évidemment, on fait le pendant très rapidement avec le djihadisme, et on dit, voilà, nos sociétés démocratiques sont menacées par l'extrémisme, ça s'arrête plus ou moins ça, il n'y a pas tellement plus d'informations, on dit que l'intéressé s'est radicalisé, on dit pas trop comment, on dit qu'il a un manifeste, mais on ne détaille pas le contenu du manifeste, et pour cause. On dit simplement qu'il s'est radicalisé, je crois, lors d'un voyage en France. Voilà. Ils disent radicalisé. Encore une fois, c'est le discours officiel, c'est ça que je cite ici. Il est allé en France, je crois, en 2018, on me corrigera, si c'est pas 2018, c'est 2017, et, comment dirais-je, à la vue de l'état ethnique de la France, aurait estimé que, voilà, que politiquement, les élections étaient assez inutiles, d'après lui. Et il est passé à l'action, voilà. Sur ces entrefaites, réaction de du Premier ministre, qui est une femme, de Nouvelle-Zélande, voici ce qu'elle a dit, et là je cite la presse néo-zélandaise, « Le Premier ministre... Jacinda Ardern a déclaré au président Donald Trump, donc qu'il avait contacté pour faire part de ses condoléances, je cite, que la meilleure aide qu'il pouvait fournir après l'attaque de Christchurch serait de la sympathie et de l'amour pour les communautés musulmanes. Ardern a parlé à Trump au téléphone tôt samedi matin avant de s'envoler pour Christchurch, qui se remet de l'attaque des deux mosquées qui a fait donc 50 morts, comme je l'ai dit. Elle a déclaré que Trump avait présenté ses condoléances et demandé si les USA pouvaient fournir une aide quelconque. Et là, je cite le Premier ministre, il a demandé quelle aide les USA pouvaient apporter. Mon message a été de la sympathie et de l'amour pour toutes les communautés musulmanes, a déclaré Ardern. Ma première réaction. Là, je vais solliciter un petit peu nos participants. Visiblement, elle avait envie de faire passer un message à Donald Trump. Hein ? C'est un petit peu... Oui, ben, visiblement, elle avait envie de signaler au monde entier que c'était qu'elle était ouverte à la soumission de son pays... et d'elle-même en particulier, à l'islam. Hein. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'amour aux musulmans, aux communautés musulmanes dans le monde entier. Bon. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il faut voir que quand elle prend la parole... Elle a un voile. Elle avait un voile islamique. Bon. C'est un... Non mais déjà, ça c'est un message qui n'est pas verbal, mais c'est un message qui est envoyé à la planète entière et aux musulmans, c'est-à-dire... Je me soumets aux lois vestimentaires de la charia. Donc voilà, il y a un attentat, comme vous savez. Voilà, réponse, bon, bah oui, je mets le voile, je me couvre la tête, je suis en deuil, voilà. Le Trump me téléphone, et en fait, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Elle dit, puisqu'elle lui demande, il faut envoyer de l'amour, de la sympathie et de l'amour aux communautés musulmanes à travers la planète. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Bah, que Trump, visiblement, montrait de l'antipathie et de la haine, puisqu'elle demande de l'amour, donc manifester de la haine à l'égard des musulmans. Donc elle lui reproche en filigrane, lors de la communication officielle qu'elle a eue avec lui, d'avoir en fait une position politique hostile aux musulmans, et lui impute, hein, subtilement, si l'on veut, la responsabilité morale de l'attaque. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message. Ce qui est un camouflet au plan diplomatique absolument incroyable. Moi, ça me stupéfie. Comment une traînée comme ça, qui représente un pays de 4,5 millions d'habitants, peut se permettre de patronner le président des États-Unis d'Amérique? Ça me stupéfie. Bah déjà, il faut se rappeler une chose, c'est que l'année passée ou l'année d'avant, très tôt, Trump avait interdit l'entrée aux États-Unis d'immigrés ou de réfugiés musulmans venant de 5 pays bien précis que je serais incapable de vous citer maintenant. Vous vous souvenez de ça ? Oui, le Muslim ban. Oui, ce qui a été appelé le Muslim ban, mais il y avait des pays qui étaient à moitié en guerre, comme la Somalie, la Libye. Le Yémen. Les États locaux ne pouvaient pas, puis il avait ajouté l'Iran, parce qu'il aime bien faire plaisir aussi à un certain lobby qui déteste l'Iran. Alors précisons que la liste en question avait été préparée par l'administration Obama. C'est ce que personne ne dit, mais c'était pas un projet Trump, c'était un projet Obama qui devait être mis en place. Et la liste a été établie par le gouvernement Obama, pas du tout par Trump. Trump l'a repris à son compte et l'a mis en place, mais c'était une initiative de l'administration démocrate de gauche, présidé par Barack Obama, qui, comme tout le monde le sait, est un ennemi de l'islam déclaré. Hein. Je veux dire, son père lui-même est musulman. Et lui-même l'est, par de fait. Quoi. Sinon, c'est un apostat, on n'a jamais entendu qu'il a apostasié l'islam, donc voilà, c'est un musulman. Non, mais enfin bon, voilà, ça commence comme ça, sur les chapeaux de roue, quand même, cette histoire. Au plan politique, je veux dire, là, on est au plan diplomatique, d'État à État, et elle le fait savoir. Cette traînée en voile avec sa gueule de... Elle a une gueule de momie, en plus, je veux dire. Putain, elle est... Je veux dire... Elle est moche, quoi. Je veux dire, y a rien à faire, quoi. Et alors, c'est une marxiste, aussi, sachez-le. Hein. C'est une marxiste, hein, qui a dit par le passé, je crois... on peut lire ça dans la presse. Hein. Dans le passé, elle a déclaré que le capitalisme était un échec. Pour bien voir d'où ça vient, tout ce beau monde, hein, je veux dire. Donc, cette traînée-là, qui maintenant met un voile, qui se déclare féministe et marxiste... Voilà, il y a 50 musulmans qui sont assassinés dans son pays. Ça y est, c'est bon. Hop, elle met le voile, elle est à quatre pattes, elle se déclare la première amie de l'islam. Voilà, et tout d'un coup, le patriarcat, le patriarcat mahométan devient acceptable. Voilà, faut cacher ses cheveux pour pas quand même pas choquer le mâle musulman. Et c'est très intéressant comme psychologie. Hein. Donc on découvre quoi ? Bah que une bonne femme se soumet aux normes dominantes, voilà, qui sont imposées par la force islamique, en gros, hein, voilà. Donc tout d'un coup, le féminisme à l'endroit, les femmes se soumettent à ce qu'il y a de plus fort. Bon, tu parles d'un scoop, mais bon, voilà, c'est ce qu'elle nous a envoyé comme message. Quelqu'un veut dire quelque chose de plus sur cette... Enfin, faut voir ça quand même, je veux dire, symboliquement, c'est fort, je veux dire, c'est que, bon... Voilà, chef du gouvernement en place qui communique dans les termes que j'ai dit. Les gens qui sont pas forcément familiers de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, bah, par définition, vont allumer leur télévision, ouvrir un journal, vont voir le Premier ministre parler. Bon, bah là, évidemment, ils vont découvrir un pays qu'ils connaissaient pas. Hein. Ça, c'est... Hein ? Bon, ils ont peut-être pas cette image-là de la Nouvelle-Zélande. Personne ne... Envoyer de l'amour, en tout cas, comme si... D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un peu méprisant envers les musulmans, c'est-à-dire... Les musulmans ne seraient pas assez aimés, ils seraient un petit peu comme des petits enfants que l'on délaisse, alors il faudrait les aimer davantage, mais en France et partout, on nous dit, on nous sert à peu près la même soupe, c'est-à-dire il faut être ouvert, il faut tolérer, il faut aimer, il faut accepter les mosquées, le halal, le truc, le machin. On nous dit que c'est à chaque fois la dernière étape, qu'il n'y en aura pas d'autre, mais à chaque fois ça grappille, hein. Donc c'est l'islam. Est une religion, c'est vrai, mais c'est aussi un système juridique. Donc, un des aspects de ce système juridique, bah, c'est justement le voile. Donc, elle le porte. C'était effectivement une forme de soumission. Alors, je sais qu'il y a plusieurs islams, évidemment, hein, mais là, il semblerait que cette mosquée, ce soit en plus un foyer de djihadisme. Hein. On va en parler. Bah, déjà, moi, associé amour et musulman, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. Je veux dire. Cette race de cafards, non mais aimer les musulmans, je veux dire, non mais on me dirait, il faut aimer les bouddhistes, etc. Bon, j'arrive à peu près à visualiser l'idée, voilà le concept quoi. Mais aimer les musulmans, mais attendez, c'est la race la plus pourrie de cette terre. Je veux dire, les mecs, ils sont tellement détestables qu'entre eux ils s'égorgent. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Je veux dire, les types ne peuvent tellement pas vivre entre eux. Qui s'égorge littéralement, ils posent des bombes dans leur mosquée mutuellement, ils s'assassinent, ils s'entremassacrent, ça c'est leur truc. Et cette race-là, faudrait l'aimer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce concept-là ? Une race d'égorgeurs de moutons. Les mecs égorgent les moutons dans leur baignoire. Allez, ça aime le sang. Hein. C'est l'une des principales différences entre cette tuerie de masse et d'autres tueries de masse, c'est l'absence de couteau. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Non mais en plus, ouais, ça tombe. Non mais je veux dire, aimer les musulmans. Je veux dire, c'est comme si c'était rien passé depuis jamais, quoi. Je veux dire. non mais je veux dire. En Europe, on sort d'une. On sort. En plus, on n'est pas sorti. On est toujours dedans. Je veux dire, de fusillade. Je parle même pas du droit commun. Je parle uniquement du terrorisme. Même pas du droit commun. Hein, je suis généreux. Je veux dire, attentat à Berlin, attentat à Nice, Bataclan, Charlie Hebdo. Là, bon, on avait parlé de Charlie Hebdo. Toutes les séries, les fusillades, les coups de couteau, à la Akbar, dans les transports en commun, etc. Cette race-là, faut l'aimer. Je parle pas de amour à sens. Ouais, c'est un amour. Non. Mais je veux dire, là, ça connecte pas. Ah bah, sauf qu'on a affaire à une bonne femme. Donc tout de suite, ça sort les ovaires, ça sort le violon, faut que ça chiale, voilà, on peut pas avoir une réaction rationnelle. Faut aimer les musulmans. Putain, mais c'est la race la plus haïssable qui existe sur cette planète. Ouais, mais c'est un... Pour une femme, c'est un mécanisme de défense. Parce que de toute manière, peu importe qui gagnera, elle a de fortes chances de survivre. Donc, elle est dans la soumission, quoi. C'est, ah bah non... finalement, pas de conflit, quoi. Et tu la vois, regarde les... Bon, moi, je pense qu'elle ne surjoue pas. C'est-à-dire qu'elle a les yeux baissés, vraiment, elle est dans la soumission, quoi. Les gros yeux, elle pleure, c'est vraiment une attitude de gonzesse. Non, mais vous avez regardé la gueule des populations ciblées, là, je veux dire. Vous avez vu la gueule des mecs? Je veux dire, ils ont les gueules des violeurs pakistanais de Rotterdam, les mecs, ok ? Je veux dire, de l'amour pour ça, mais comment même l'idée peut être associée à ce truc-là ? Je comprends même pas, quoi. Vous voyez, là, c'est les gueules de machins du Pakistan, vous voyez, ils ont des sales barbes, là, qui poussent, mais qui poussent pas vraiment comme les barbes, vous voyez, de face, quoi, sur le visage, quoi. Ça pousse en dessous, là, sur la peau du cou, là, sur la glotte, là, vous voyez, ça pousse crade, long, dégueulasse, vous voyez. Puis ils ont une espèce de demi-jet là-bas, mais crade. Et je veux dire, c'est visible que ces mecs-là sont des putains de cafards, je veux dire, de visu. Je vois pas comment on peut avoir un mouvement d'empathie et se dire, ah là, je vous aime. Mais putain, mais non, mais je veux dire, je veux même pas te croiser le soir dans la rue, quoi, tu vois. Il y a des nanas de 16 ans dans le sud-ouest qui sont... Effectivement. Mouvement d'empathie, hein, voilà. Quoi. Voilà, bon, bah, il faut donner de l'amour pour Jamal. Et puis attention, hein, pas uniquement la communauté musulmane néo-zélandaise. Hein, il faut à 1,3 milliard de cafards de Mahomet. Hein. Oui, oui, bah, il y a cette contradiction-là. Toi, tu as dit race. Bon, ah, mais non, mais race, c'est imagé. Nous ne sommes pas une race. C'est imagé, là, que je dis. Quand je dis race, c'est imagé, il faut comprendre là. Là, je dis pas au oui, bien sûr, plan scientifique, c'est imagé. C'est imagé, ouais. Oui, je comprends bien, mais enfin bon, il y a aussi le côté, Guillaume Fay en parlait souvent d'ailleurs, le côté totalitaire de l'islam. Il faut que l'islam s'étend sur la totalité de la société, c'est de régenter la totalité des règles alimentaires, enfin de exactement la totalité. Donc, normalement, c'est un totalitarisme qu'en bon démocrate, il faudrait dénoncer, qu'elle devrait dénoncer, cette dame. Et évidemment, elle ne va pas le faire, et elle se soumet, par conséquent. Hein, donc, c'est en fait, il faut de l'amour pour des gens qui, bon, ils sont nés dedans, mais souvent, ils embrassent et ils veulent prolonger ce système, un système totalitaire. Donc, de l'amour pour la dictature, en réalité. Oui, oui, c'est un système, absolument. Ah oui, c'est indéniable, oui, absolument. Alors, les amis, comme vous le savez, le sémitisme est une grande famille. Et les sémites communient dans une commune haine et aversion pour les populations blanches que par ailleurs ils envahissent. Hein. Et comme vous le savez, ils sont toujours très reconnaissants pour ceux qui les accueillent, puisqu'ils commencent par y faire la guerre. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et donc... Les juifs n'ont pas pu s'empêcher de venir mettre leur nez, hein, ça sent la merde, il faut qu'ils se pointent. Et là je cite I24, « La communauté juive de Nouvelle-Zélande a décidé vendredi de fermer ses synagogues le jour du Shabbat, pour la première fois de son histoire, en signe de solidarité avec la communauté musulmane du pays après le massacre d'au moins 50 personnes dans deux mosquées de Christchurch. » Pour la première fois, les synagogues en Nouvelle-Zélande seront fermées le jour du Shabbat à la suite du massacre, a tweeté Yitzhak Herzog, directeur de l'Agence juive pour Israël. L'Agence juive et le Conseil juif néo-zélandais sont solidaires des familles endeuillées. Nous sommes unis dans la lutte contre la haine et le racisme. Ah, oh, la haine contre le racisme, c'est très important. Pas le racisme, le juif, je vous rassure. Le Conseil juif néo-zélandais est écœuré et dévasté par les attentats. Au moins un individu armé a tué, donc, comme vous le savez, des dizaines de personnes. Bref. Nous offrons toute notre assistance et tout notre soutien à la communauté musulmane. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bannir le terrorisme et le racisme de la Nouvelle-Zélande, a réagi Stephen Goodman, président du Conseil juif de Nouvelle-Zélande au Jewish Telegraphic Agency, GTA. Des déclarations de soutien ont également été reçues de la part du Centre de l'Holocauste de Nouvelle-Zélande. Ah, ils ont même un centre là-bas, l'Holocauste. Du Conseil rabbinique et d'autres organisations importantes du pays. Dans un communiqué, le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a exprimé son horreur et sa répulsion après l'attaque. Bon, intéressante réaction. Qui veut me dire un mot sur... On commence avec des chambres à gaz, on repasse par les choses. Il y a des constantes qui... veut dire quelque chose sur cette réaction sémitique de solidarité, voilà. Ouais, bah là j'ai envie de dire que pour tous ceux qui vendent un judaïsme anti-islam, qui vendent ceux qui n'ont rien compris au judaïsme, en gros ceux qui n'ont pas compris que le judaïsme a des multiples facettes, le judaïsme, le juif apparaît différemment selon qu'il se trouve à Saint-Étienne ou à Lyon. Selon qu'il se trouve à Marseille ou à Toulon, c'est à 30 km d'écart, le juif n'est déjà plus le même, il aura beau avoir le même nom, la même famille, le juif ne dépend que des circonstances. Et alors, d'ailleurs, c'est son talent, c'est pour ça que malgré qu'il se fasse éjecter de partout, il arrive aussi à s'intégrer partout. Le juif est un caméléon, c'est comme ça. Donc, il profite de tous les événements pour avancer ses pions à lui. Et il y a malheureusement des gens qui pensent que pas via Israël, via machin, enfin via Israël qui serait anti-islam, alors qu'Israël finance tous les groupes terroristes de la Terre. Enfin bref, le juif va utiliser, comme il utilise chaque événement, de toute façon, il va utiliser les événements pour avancer ses pions à lui. Donc, ça aurait été un attentat, quand c'est un attentat islamique, c'est pas d'amalgame, machin. Quand c'est un attentat d'un blanc contre l'islamisme, là, bizarrement, il n'y a pas d'histoire de pas d'amalgame. Donc, on comprend pour qui il joue. Il joue pour le multiculturalisme, et ceci partout sur la planète, de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Pérou. Enfin, même si la Nouvelle-Zélande et le Pérou sont pas si loin que ça en réalité, mais bon, c'est vrai que vu d'où on est, ça paraît loin. Enfin bref, les Juifs avancent leur pion à eux, et ils ne seront jamais, jamais, jamais dans le camp de leurs ennemis à vie qui sont les Blancs qui ont envie de rester Blancs, les Blancs fiers d'être Blancs, l'Europe fière d'être européenne. Et voilà, ces gens-là ne seront jamais leurs alliés. Donc, j'aimerais rajouter un petit élément sur le fait qu'en France et ailleurs, on essaye de nous faire croire, les gens vont reconnaître de qui je parle, que les Juifs essayent à tout prix de pousser au choc des civilisations, à la guerre civile. Moi, je suis en désaccord complet avec ça, et d'ailleurs l'article que tu lisais, Gandalf, le prouve. Les Sémites, ils sont solidaires entre eux. Les Juifs essayent à chaque fois de placer des tonnes de musulmans, de bronzés, de tout ce que vous voulez comme chiasse humaine dans les pays blancs, ça c'est un fait, mais ils ne veulent pas que ça se passe mal. Au contraire, leur plan, c'est justement que ça se passe très bien, qu'il n'y ait pas de conflit de civilisation, que par une différence démographique, parce que ces gens-là font toujours plein d'enfants, et on ne pourra jamais les battre sur ce terrain-là, et parce que aussi nous on n'en fait pas, et parce qu'il y aura du métissage, les blancs vont finir par crever, mais vont finir par crever doucement, sans balles, sans coup de couteau, sans rien. Ça va se passer de manière très simple, de manière très démocratique d'ailleurs. Et c'est ça le vrai projet des Juifs. Et c'est pas étonnant du coup que ce genre de communauté se trouve solidaire quand il y a un événement comme ceci. En fait, ils ont les mêmes intérêts, sauf qu'il y en a un qui le sait et l'autre ne le sait pas. Donc bon, bah les Sémites, hein, voilà, les Juifs se solidarisent de ces pauvres musulmans, hein, dont les Juifs nous disent que c'est un acte horrible. Même en France, hein, le CRIF a manifesté sa solidarité à l'égard des musulmans. Et vous savez que les Juifs, qui sont visiblement tout d'un coup très soucieux du bien des musulmans, hein, enfin dans un pays blanc, j'entends, ces gens-là n'ont pas tout à fait le même point de vue partout. Parce que comme vous le savez, les Juifs ne sont pas toujours très bienveillants à l'égard des musulmans. Comme je dis, ça dépend. Quand c'est dans les pays blancs, là, tout d'un coup, les Juifs aiment beaucoup les musulmans. Mais en Israël, c'est différent. Alors je vais vous citer cet exemple-là, qui est reconnu internationalement, hein, c'est un cas qui est parfaitement archivé. Ça se passe en 2009, donc il y a une dizaine d'années, c'est pas tellement longtemps. Le 3 janvier, très exactement, où l'aviation israélienne a opéré une frappe contre la mosquée Makadna à Gaza, lors de l'heure de la prière spécifiquement. Il y avait 200 personnes à l'intérieur. On a relevé notamment de nombreux enfants, hein, qui ont été écrasés sous les bombes à cette occasion-là. Moi, j'ai pas souvenir que le CRIF se soit récrié en hurlant à la barbarie, en dénonçant un acte innommable et appelant, hein, à une ligue mondiale contre l'État d'Israël qui commet donc des actes atroces de cette nature, dixit. Non, non, le CRIF a trouvé ça moral, dirait-il, puisque si vous l'ignorez, l'armée israélienne est la plus morale du monde, hein, la preuve. Voilà. Donc visiblement, très soucieux donc du sort des musulmans en Nouvelle-Zélande, hein, c'est un pays blanc, donc quand même, voilà. Mais en Israël, on va quand même pas déconner, hein, je veux dire, on peut plus écraser à coups de bombes de F-16 des mosquées sur la terre promise, quelque part la démocratie est en danger, hein. Bon, hein, voilà, ah là là là. L'honnêteté morale des Juifs, c'est toujours quelque chose. Alors, Je veux maintenant quand même revenir un petit peu, faire un petit peu un background de ce qui se passait dans cette mosquée, parce qu'on ne nous en a rien dit, et je pense qu'il faut quand même le dire, parce qu'on nous présente ça en fait comme vraiment, bon, en gros, hein, c'est une mosquée, donc dans la tête des Blancs, c'est quoi une mosquée? C'est une église où des musulmans vont prier, où les Arabes vont prier. Voilà, c'est comme ça qu'ils pensent, ils croient que c'est ça une mosquée. Non, une mosquée, c'est pas ça. Une mosquée, c'est le centre politique d'une communauté musulmane, c'est un centre religieux, c'est un centre social. C'est tout ça à la fois. C'est pas juste là où on va le dimanche faire une prière pendant une heure et ensuite on part. Ça n'a rien à voir. La mosquée, c'est le centre de gravité de toute communauté islamique. Absolument toute. C'est là qu'on arrange les mariages, c'est là que les enfants sont présentés, etc. C'est aussi là que se passe l'embrigadement politico-religieux. Et précisément, c'est ce qui se passait dans cette mosquée, ce dont personne, aucun média n'a parlé. Aucun média. Blackout. Alors je vais vous livrer une information qui a été dûment recensée à l'époque par la presse néo-zélandaise et australienne. Voici un article. Là, c'est cité par... Attendez que je raconte pas n'importe quoi. C'est cité par New News Hub. Une mosquée de Christchurch est liée à la mort de Daryl Jones, un membre d'Al-Qaïda, suite à une frappe par un drone. Les parents de l'Australien tué aux côtés de Jones, donc il y avait deux Australiens, je précise, il y avait deux Australiens, dont Daryl Jones qui a été éliminé par les Américains au Yémen, et il y en avait un deuxième Australien. Donc je précise, une fois que la précision est faite, je reprends. Les parents de l'Australien tué aux côtés de Jones ont indiqué que leur fils avait été exposé à l'enseignement de l'islam radical à Christchurch, où il a également rencontré M. Jones. Christopher Havard a été tué aux côtés de M. Jones par un drone US au Yémen en 2013. Ses parents, Neil et Bronwick Dowrick, ont déclaré que leur fils leur a dit qu'il avait d'abord été exposé à l'islam radical à la mosquée Al-Nour à Addington, donc un quartier de Christchurch, qui est la mosquée ciblée. Monsieur Havard a déménagé d'Australie en Nouvelle-Zélande en 2010, il était connu à la mosquée sous le nom de Salim Khattab. Les parents de Havard ont déclaré que c'est à la mosquée qu'il a rencontré son ami converti Jones, qui était connu sous le nom de Muslim bin John. Il semble que les espions néo-zélandais surveillaient la mosquée. La police fédérale australienne a ouvert une enquête au sujet de la possible implication de M. Havard dans l'enlèvement de trois Occidentaux au Yémen pour le compte d'Al-Qaïda. Des documents indiquent que M. Havard et M. Nin John attiraient depuis longtemps l'attention de la police fédérale australienne en raison de leurs activités connues au Yémen en rapport avec Al-Qaïda. Donc, voilà, la mosquée recrutait pour Al-Qaïda. Recrutait des Blancs, notez bien, recrutait des Blancs pour les envoyer faire le djihad au Yémen. Donc au Yémen, la branche d'Al-Qaïda qui opère s'appelle Al-Qaïda pour la péninsule arabique. Et là-bas, on leur demandait d'enlever des Occidentaux, donc de tuer des Blancs. D'accord ? Intéressant quand même, comme méthodologie sémitique, hein. Il y a quand même quelque chose, hein. On prend des Blancs pour faire assassiner d'autres Blancs. Vous voyez un peu là. Ces gens voudraient-ils humilier les Blancs? C'est bizarre, hein, pour une spiritualité sémitique, c'est étrange. Hein. Le journal très sérieux stuff.co.nz donne plus d'informations sur un article encore plus détaillé sur le parcours des deux intéressés. Il y a un passage tout à fait révélateur qui nous dit ceci. Les leaders de la mosquée ont confirmé que Havard avait bien été présent dans, enfin avait fréquenté la mosquée Al-Nour et il avait étudié en 2011 dans cette même mosquée, mais ils ont nié tout enseignement radical. Mais un homme qui a assisté au cours du week-end réservé aux convertis à la mosquée, il y avait environ au début des années 2000, a indiqué que un orateur qui avait été invité par la mosquée qui venait d'Indonésie avait parlé de djihad violent et que parmi les personnes présentes, beaucoup partageaient ses vues. Je cite le témoin cité par ce journal. « La plupart des hommes étaient en colère avec la faiblesse morale de la Nouvelle-Zélande. Je dirais qu'ils étaient radicaux. » Donc, la mosquée invite, en gros, des prédicateurs musulmans radicaux internationaux, ça vient d'Indonésie, probablement ça devait venir d'ailleurs. Il y a des convertis, c'est-à-dire des blancs qui assistent à ces cours, où on leur dit le djihad, le djihad, le djihad. Sur ces ça dure tellement longtemps que en 2010 se pointent nos deux Australiens, qui fréquentent la mosquée, et qui, comme par miracle, décident de partir au Yémen. Alors je vous explique un truc. Suffit pas de se radicaliser à ce moment-là et d'aller au Yémen en disant voilà, moi je suis un militant radical australien, comment puis-je rejoindre Al-Qaïda? Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Bah, Al-Qaïda sait très bien qu'il y aura des tentatives d'infiltration de son organisation. S'ils voient un occidental arriver, ils vont se dire mais ça peut être les services britanniques, ça peut être les services australiens, ça peut être les services américains. Vous comprenez? Bon. Donc, pour pouvoir passer les frontières, pour pouvoir atteindre les bonnes personnes, etc., il faut que quelqu'un, c'est-à-dire un musulman d'importance, se porte garant pour vous. C'est-à-dire que le type ne va pas au petit bonheur la chance au Yémen. On lui a dit, il faut aller au Yémen. Et c'est à la mosquée, Al-Nour, qu'on lui a expliqué qu'il fallait aller au Yémen. Et enfin, et j'en termine et je collecte vos réactions, Al-Qaïda, pour la péninsule arabique, opérant au Yémen principalement, et qui était à l'époque, jusqu'en 2011, avant qu'il soit abattu par un drone américain, était dirigé par un certain Aoulaki, qui a joué un rôle très important, je ne vais pas y revenir. C'est lui qui a été le mentor de l'opération Charlie Hebdo, pour venger le prophète insulté par les caricatures publiées dans ce fameux journal, vous vous en souvenez. Bon, c'est Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, et Aoulaki en particulier, qui a payé l'entraînement de Shérif Kouachi, qui s'est rendu au Yémen pour apprendre pendant un mois le maniement des armes légères. Et ensuite, qui revendiquera durant l'opération, en 2015, la paternité de son geste, enfin qui attribuera la paternité de son geste à Aoulaki et à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, spécifiquement au Yémen. Donc la même organisation qui a recruté nos deux djihadistes qui sont passés par Al-Nour. La mosquée qui a été ciblée ce week-end. Donc là, on a un panorama sensiblement différent de ce que nous présente notamment le Premier ministre néo-zélandais, qui est une femme, comme je l'ai dit, et qui dit qu'il faut donner de l'amour aux musulmans. Donc il fallait donner de l'amour à cette mosquée. Bon, c'est intéressant à savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des éléments qui méritent quand même d'être connus du grand public. Hein, y avait des choses qui se passaient dans cette mosquée. Alors, quel est, voilà, vous pouvez réagir maintenant que j'ai détaillé tout ça. À grands traits, hein, mais voilà. Peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, on me dira. Mais bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ignorent, parce que là, c'est présenté de manière, on va dire, cachée de la part des autorités, autorités australiennes, pardon, et, mais aussi de la part des musulmans. Il faut savoir que dans l'islam, c'est très courant comme pratique, c'est même encouragé, ça porte un nom. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais ça s'appelle la taqiyya. Donc ça s'appelle une capacité de dissimulation qui est encouragée dans l'islam pour atteindre des objectifs de domination ou même juste pour protéger sa vie. En tout cas, c'est autorisé à mentir. Voilà. Ce qui n'existe pas dans le christianisme, par exemple. Normalement, dans aucune circonstance, tu n'es censé mentir. Même si c'est pour protéger ta vie, tu ne dois pas mentir. Mais chez les musulmans, cette capacité de dissimulation est tout à fait autorisée et encouragée. Voilà, ça porte un nom. Et ce qui, tu vois, ça sépare souvent les sunnites et les chiites. Ils ont beaucoup de points où ils se tapent un peu sur la gueule, mais sur ça, ils sont tous d'accord, quoi. Et ça porte bien la marque du sémitisme. Oui, oui, oui, totalement. Alors, qui d'autre sur la en fait, le fait que cette mosquée, je disais, c'est un centre politique, social, culturel, c'est d'abord et avant tout un centre de recrutement pour le djihadisme international, voilà, de longue date, hein, ça remonte au moins au début des années 2000, mais ça se poursuit jusque dans les années 2010-2011, après quoi ils ont probablement été, comme ils ont été repérés en fait, ils étaient, comme le dit la presse, sous surveillance, donc je pense qu'ils ont dû faire un peu plus attention, et encore. Qui veut en dire quelque chose? Personne en particulier? Il y a quelque chose en plus à dire, je crois. C'est que, et ça a été observé quand même déjà depuis pas mal de temps, et pas uniquement par des gens de notre sens politique, mais c'est qu'une mosquée, sert de point de fixation et de rassemblement des populations musulmanes. Parce que nombre de musulmans éprouvent la nécessité de fréquenter une mosquée. Donc si vous acceptez de, comme responsable, je vais dire, hein, dans l'administration, la construction d'une mosquée à tel endroit, vous savez, vous ne le faites pas parce qu'il y a beaucoup de musulmans, vous le faites parce que, bien souvent, de façon consciente, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent le cas, on sait que les musulmans vont se rapprocher, déménager ou quoi, vont se rapprocher pour habiter dans l'environnement immédiat de la mosquée, ou plus ou moins immédiat du moins. Ce qui veut dire qu'une mosquée a double titre, a de bonnes raisons de faire des prêches politiques, parce qu'on maintient les fidèles par la religion naturellement et des applications de la religion. Et comme ça a été cité par un autre intervenant il y a quelques minutes, ce qu'explique les textes coraniques, eh bien il y a justement ce fameux aspect, cette fameuse stratégie guerrière, comme la taqiya, c'est une stratégie guerrière finalement. Donc le responsable politique qui ignorerait ce fait-là est un absolu imbécile. Selon moi. Ou alors, c'est quelqu'un qui lui-même est un salopard. Ouais, y a beaucoup d'opportunisme, hein, déjà. Mais comment dirais-je ? Non, mais les musulmans, de toute façon, ne peuvent pas se... De toute façon, comment dirais-je ? Je vais rappeler des évidences, mais l'islam est une religion de guerre. C'est un peu plus connu de nos jours. Mais de guerre et de conquête. De guerre et de conquête. Mais comment dirais-je, il y a encore des politiciens qui jouent sur l'ignorance des masses pour par exemple dire l'islam veut dire paix, alors que paix en arabe ça se dit salam, ça se dit pas islam. Islam ça veut dire soumission. Soumission à quoi ? À Allah, oui, mais à Allah et son prophète et le Coran. Hein, qui dit soumission à la loi dit obéissance. Hein, ce n'est pas en option, comme on dit. Et quiconque s'intéresse au Coran, j'invite les gens à le lire, vont découvrir que Mahomet n'est pas le Christ. Parce qu'encore une fois, aussi sécularisées que soient les populations européennes, occidentales en général, ou françaises, si, pour ce qui nous concerne, ou francophones, le réflexe immédiat, c'est de penser l'islam en chrétien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la mosquée, c'est l'église où vont les Arabes. Mahomet, c'est Jésus des Arabes. Et ainsi de suite. Par exemple, nous, on bosse pas le dimanche. Eux, c'est le vendredi. Toute une série de choses comme ça. Non. Ça, c'est mal comprendre. Lisez la vie de Mahomet. Lisez la vie de Mahomet, je vous y encourage. Vous allez découvrir un chef de guerre... très intelligent, visiblement. Alors, je présume que ce sont des récits qui ont été faits après, parce qu'on sait que ça a été, les récits ont été faits après, écrits après, mais il est présenté comme quelqu'un d'intelligent. Indubitablement, je ne pense pas qu'on puisse contester l'intelligence de Mahomet, parce qu'il a réussi. Et ses successeurs ont réussi. Donc, il a trouvé une formule politico-militaire qui a fonctionné. Et aussi une formule sociale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris l'environnement dans lequel il était, il a compris les populations arabes de cette époque, qui étaient des populations, enfin, je veux dire, c'est même écrit dans le texte coranique, c'était des populations à qui on pouvait absolument tout reprocher, quoi. Bon. Et c'est un chef de guerre. C'est-à-dire, à aucun moment, Mahomet ne récuse l'usage de la violence. Et alors, il y a toute une série de choses comme ça qui sont connues, mais qui méritent d'être étudiées, pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple, comment c'est quelqu'un qui intègre la dialectique et le principe de la tactique. C'est-à-dire que quand les musulmans sont trop faibles, faut pas hésiter à faire des trêves. Voilà, il faut savoir, et il faut savoir aussi briser une trêve. C'est-à-dire qu'il faut savoir tromper l'ennemi. C'est ce qui transparaît dans le Coran. La ruse est autorisée, vivement encouragée. Je veux dire, c'est pas spécifiquement musulman en soi. Je veux dire, prenez Sun Tzu, la Chine, la ruse est fondamentale dans la stratégie militaire. Mais là, on a affaire à un texte qui se veut d'abord religieux. Or, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend qu'il faut savoir mentir, il faut savoir ruser, il faut savoir se jouer de son adversaire, il faut savoir lui faire croire qu'on peut être allié, qu'on peut trouver une trêve qui peut-être durera toujours, et puis en fait, non. Coup de couteau dans le dos à la première occasion. Voilà. Quand vous lisez ces textes-là, et que vous savez que c'est le texte fondamental qu'apprennent tous les musulmans, pour ceux qui l'étudient en tout cas, pour les savants, mais tous ceux qui, des musulmans qui lisent leurs textes, ils peuvent pas ne pas le comprendre. Ou alors ils prennent pas leur texte au sérieux. Et s'ils prennent pas leur texte au sérieux, alors ce sont des mauvais musulmans. Si ce sont des bons musulmans, ils suivent l'exemple du prophète, et s'ils suivent l'exemple du prophète, ils pratiquent bien évidemment la duplicité, ils pratiquent bien évidemment aussi la guerre si nécessaire. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Donc quand tous les voit arriver en troupeau, bêlés, etc., n'oubliez jamais que la seule façon dont un bon mouton dans l'islam est un mouton égorgé, ne l'oubliez jamais. Hein, les musulmans ne sont pas des moutons. Ce sont des égorgeurs de moutons. Pas pareil. Oui, il y a un bon mécréant est un mécréant mort ou converti. C'est ça, un bon roumi est un roumi mort, effectivement. Non, mais je veux dire... Ça, ce que tu viens de dire, Gandalf, c'est compris très bien par tous les musulmans. C'est partagé, d'ailleurs, de tout temps par tous les musulmans. Entre eux, ils en parlent très librement. Et en fait, il faut bien aussi comprendre que les musulmans n'ont pas intérêt à ce que les mécréants sachent ce genre de choses, d'une part. Et surtout, il y a même aussi des musulmans un peu concons qui ont fini par croire à toutes ces histoires de paix, etc., ensemble et tout. Mais qui est-ce qui est le plus crédible ? Est-ce que ce sont les musulmans dans le monde entier, depuis toujours, les mecs, tu vois, qui utilisent vachement le Coran, qui passent leur vie à étudier le Coran ? Où c'est le Mohamed du coin qui s'est vachement occidentalisé, qui va en boîte de nuit, qui tire des putes ou qui boit de l'alcool, tu vois. Bon, à un moment donné, l'islam, c'est aussi quelque chose de sérieux, et les textes et les mots, ils ont aussi un sens, quoi. Et moi, j'ai pas envie de croire le petit Mohamed du coin, j'ai plutôt envie de croire le mec qui passe sa vie à étudier le Coran pour savoir ce que c'est l'islam, quoi. Non, mais si on veut savoir ce que c'est, enfin, ça, je trouve ça fascinant, ça, c'est un moment important aussi de l'affaire. Je pense que ça a été assez mal étudié, assez mal abordé, ou pas abordé, c'est que Tarrant, hein, donc l'auteur de cette action contre la mosquée en question, dont on a donné le background, hein, clairement, a écrit sur ses armes toute une série de références chrétiennes ou occidentales, récentes ou plus anciennes, de batailles, de confrontations, etc. Notamment celle de bataille de Poitiers 732, c'est écrit sur son flingue. Il y en a d'autres, hein. Il y a des batailles dans les Balkans, il y a des histoires nationales des nations balkaniques ou autres, hein, de l'Espagne, etc. Et il a envoyé un message très clair. Il a dit, voilà, attention, je veux dire, l'assaut contre le monde occidental qu'on connaît aujourd'hui, il est en partie musulman, il n'est pas que musulman, hein. Je veux dire, il y a une immigration qui est noire, d'Afrique, animiste, etc. Aux États-Unis, ils ont énormément de latinos, etc. Donc ce n'est pas exclusivement musulman. Mais il y a cette composante-là, et il le rappelle en l'écrivant sur ses armes, et il signifie par là qu'il y a une longue histoire de confrontation avec les musulmans, violente. Et moi, ce qui me fascine aujourd'hui avec le personnel politique français, et occidental, avec cette histoire d'amour, de bisous, de tolérance, c'est que ces gens-là prétendent abolir 1300 ans de guerre permanente de l'islam avec le reste du monde. Parce qu'ils ne sont pas uniquement en guerre avec la France, avec l'Europe. Ils sont en guerre avec tout ce qui n'est pas musulman. Absolument tout. Vous n'avez qu'à regarder les frontières, le Myanmar, la Birmanie. C'est pas une terre chrétienne, la Birmanie. Un pays bouddhiste. Il y a une guerre. Mais. Il y a des guerres pratiquement. Sorry. Non, vas-y, Fulbert, vas-y, excuse-moi. Je voulais simplement compléter ce que disait Gandalf. C'est qu'il suffit de regarder la périphérie des zones, des nations musulmanes, et on s'aperçoit qu'effectivement, presque partout, c'est la guerre. Partout. Partout. Après, vous connaissez leur baratin, hein. Vous savez ce qu'ils vous sortent quand vous leur dites ça, ils vous disent, oui, mais parce que l'islam est né 500 ans après le christianisme, et il y a 500 ans, le christianisme est exactement comme l'islam aujourd'hui, ce qui est évidemment un baratin inaudible, hein. puisque l'humain, enfin l'humanité a oui, c'est pas les religions qui font évoluer l'humain, c'est l'homme, les ressources, tout ça. Enfin, l'islam va pas. Jésus était musulman. Selon les musulmans, oui. Voilà, voilà. Jésus était musulman. Non, non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous leur dites ça que l'islam fout la merde partout sur Terre, ils vous disent oui, mais il y a 500 ans, les chrétiens allaient en Amérique du Sud, tuer machin, ils allaient évangéliser les quatre coins du monde, ils tuaient des gens, tout ça. Voilà, donc à ce baratin, faut juste dire bah oui, mais pourquoi ils ont 500 ans de retard, hein, c'est quoi ce bordel, et comment on accepterait des gens qui ont 500 ans de retard? C'est comme si aujourd'hui tu voyais un mec arriver parler de décapitation, de aujourd'hui, ou même les idées d'il y a 10 ans paraissent nazies. C'est d'ailleurs aujourd'hui, quand tu parles juste d'avoir un papa et une maman, quasiment tu passes pour un nazi, et les mecs veulent te faire revenir 500 ans en arrière. Donc ce baratin est évidemment inaudible, mais pourtant ils n'hésitent pas à nous le sortir, hein. C'est exactement ce qui nous sort quand vous leur donnez cet argument. Alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à tester en permanence les musulmans. Parce que ça sera didactique, pédagogique pour vous, voire pour vos amis, probablement pour les musulmans qui y seront exposés. Quand il y a des attaques musulmanes, alors là, c'est pas une attaque musulmane, mais c'est très intéressant, vous pouvez quand même le faire. C'est extraordinaire à voir, hein, je veux dire. Vous dites au mec, oui, c'est dramatique, cette attaque, évidemment. Il faut toujours favoriser la paix, la tolérance. Mais j'ai découvert que la mosquée, en fait, recrutait des gens radicaux, il y avait des prédicateurs radicaux, et même, ils ont envoyé des djihadistes au Yémen faire le djihad pour enlever des gens et les exécuter au nom d'Al-Qaïda. Vous condamnez aussi ce type d'action, quand même. C'est quand même incroyable que des gens puissent mettre de l'huile sur le feu, parce que, après tout... qui nous dit que ce tueur n'a pas réagi à quelque chose qui l'a semblé complètement fou, une mosquée radicale opérant comme ça, en toute impunité, voilà, il faudrait peut-être tenir les extrémistes des deux côtés. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voir la réaction. Vous allez voir la réaction. Faites-le, si vous avez l'opportunité de discuter avec des musulmans, faites-le. Vous allez voir ce que vous allez découvrir par vous-même. Je vous laisse la surprise. Vous allez découvrir par vous-même les réponses que vous allez entendre. Ça va vous en dire long sur les musulmans. Tous les musulmans. Ouais, Attends. Les chiites, un peu moins quand même. Les chiites sont entre les chrétiens. La révolution de Khomeini, c'est quoi? Parlons français. Les chiites ont théorisé l'islam politique révolutionnaire qui exécutent des chrétiens. Au Liban, ils ont buté des chrétiens. Ouais. Ils ont mis de l'ordre de leur main parce qu'ils n'ont plus la même démographie, le rapport de force a changé. Et Pierrot parlait de la taqiya, ça a été... C'est d'abord chiite. C'est chiite. C'est pas quelque chose qui est présent dans l'islam sunnite. Oui, c'est même chiite à l'intérieur du monde musulman. D'ailleurs, les alaouites, en fait, le nom alaouite est une forme de taqiya. Puisque eux-mêmes se font appeler alaouites, c'est-à-dire à l'extérieur du monde musulman, mais je crois qu'à l'intérieur du monde musulman, ils portent un autre nom. C'est la taqiya dans la taqiya. À la base, je crois que le terme taqiya, il est utilisé par les chiites pour se cacher des sunnites. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que les chiites, de notre point de vue, nous, chrétiens, sont tellement détestés des sunnites que je pense que si tu mettais un flingue sur la tempe d'un chiite et que tu lui disais « on extermine tous les sunnites ou on extermine tous les chrétiens », je pense qu'il préfère exterminer les sunnites. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de me lancer dans une défense des chiites, je suis juste en train de dire que ces gens sont... Leur position est moins claire, parce que comme tu le disais, d'ailleurs c'est quelque chose que je savais pas, mais démographiquement ils sont en berne, leur pays est ciblé par Israël, par les États-Unis, que ce soit le Liban chiite, que ce soit l'Iran chiite. Enfin, tous les pays chiites sont plus ou moins ciblés par des pays très très forts militairement, très puissants militairement. Du coup, ils sont obligés un petit peu de tortiller du cul. Mais du peu que, parce que pour le coup, moi j'ai discuté avec beaucoup de sunnites quand j'étais en banlieue il y a 15 ans, c'est tous des haineux. Les sunnites sont des haineux, ils détestent, ils nous détestent. Le peu que j'ai vu de chiites, j'avoue que moi à chaque fois j'ai eu affaire à des gens, des chiites assez civilisés. Mais après, va savoir s'ils sont pas civilisés pour vouloir tous nous buter à la fin. Ça, moi, je peux pas le dire. Mais je sais qu'en tout cas, c'était pas le même niveau, c'était pas le même QI, c'était pas les mêmes discussions que j'avais avec les chiites et les sunnites. C'est tout ce que je peux dire. Ah, mais non, mais ça c'est évident. Mais c'est d'abord. C'était pas des Algériennes déjà. C'est ça, voilà. Il faut voir d'où ça part. Le alors, c'est pas exclusivement des Perses. D'abord, l'Iran est multiethnique, hein. C'est pas uniquement des Perses. Hein. Il y a des Azéris, il y a des choses comme ça. Mais indubitablement, si tu veux, il y a quand même le facteur perse qui joue beaucoup. On parlait de la Syrie, c'est intéressant. Les Alaouites, c'est la minorité, si vous voulez, qui est la plus éduquée, là, qui ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler l'humanité, si vous voulez. Dans le maelstrom racial, ouais, qu'est la Syrie, je veux dire, c'est Bachar al-Assad, il est en costard cravate, voilà. Bon, faut voir quand même, à l'occasion d'ailleurs du conflit en Syrie, il y a eu quand même beaucoup de vidéos de combats, etc. Je vous assure, des vidéos prises sur le terrain, je veux dire, hein, que ce soit de prisonniers ou simplement de combattants, vous regardez la faune impliquée, il y a des choses, je vous assure, vous savez pas ce que c'est humainement, vous savez pas d'où ça sort, c'est des trucs, moi j'ai pas d'autre mot que des créatures. Et quand vous mettez à côté de ça Bachar al-Assad, vous voyez bien que le physique, l'attitude, ah oui, vous voyez bien que c'est une aristocratie qui n'est pas juste une aristocratie intellectuelle ou économique, c'est une aristocratie raciale, pour des raisons sur lesquelles on va pas revenir, mais donc tout ça pour dire une classe incroyable, les deux, lui et sa femme. Oui, bien sûr, mais enfin, elle est d'ailleurs, enfin, je crois qu'elle est originaire de. Elle est anglaise, elle est sunnite, je crois, mais bon, c'est encore pareil, ça se voit que c'est au plan racial. Mais c'est des Arabes. Mais même les Arabes de Syrie, c'est autre chose que la sale race de maghrébin qu'on a. C'est pas du tout la même chose. Hein. Non, c'est pas. On n'est pas habitué. On n'est pas du tout habitué en France, parce que nous, on est confronté à des bougnoules, mais. Je vous garantis que les bougnoules et les Arabes, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Il y a des traits en commun, quand même. Il y a de la berbérité plus chez les Maghrébins, ce que tu veux dire. T'as quand même une notion, hein. C'est-à-dire que les Arabes sont pas égalitaires, loin de là, et tu as des castes, hein, dans les pays arabes. Et très clairement, Asma el-Assad fait partie de l'aristocratie sunnite de Syrie. Oui, bah la Syrie, c'est le pays aussi où les chrétiens d'Orient sont plus respectés, où ils ont plus d'influence, où ils influencent le plus la culture et le code civil. Hein, donc, c'est pas pour rien si y a beaucoup de Syriens qui ont des diplômes universitaires. Peut-être qu'à Damas, c'est peut-être pas non plus la meilleure université du monde, mais enfin bon. Quand on compare à l'Arabie Saoudite, c'est vrai que vu de l'extérieur, en tout cas, le peu qu'on en connaît, ça semble quand même complètement différent. Ouais. Alors, je poursuis sur le type de réaction que nous avons. Il y a eu, en fait, un seul politicien australien qui a eu, pour moi, l'analyse, la meilleure analyse de la situation. C'est Fraser Anning. Voilà, c'est Fraser Anning qui a pris la parole, qui a réagi sur Twitter avec sa paire de burnes. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. Toute une série de tweets dans lesquels il a vraiment saccagé le politiquement correct, en pleine hystérisation médiatique là-bas. Hein. Faut aussi voir ça, il y a le contexte, quoi. C'est pas à froid, tranquillement. Voilà, c'est vraiment en pleine tension médiatique, voici ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un remet encore en cause le lien entre l'immigration musulmane et la violence? Voilà. Est-ce qu'il y a en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de lien entre les deux? Regardez. Hein, deuxième tweet. Je me demande s'il y aura autant de protestations de la part de la gauche quand le prochain attentat commis par un terroriste musulman arrivera. Probablement le silence et des paroles sur les attaques de loup solitaire, de déséquilibre mental ou d'absence de rapport avec l'islam. Un autre tweet. Est-ce que les gauchistes condamneront ça? Et là, il met une photo où on voit une espèce de barbu avec écrit sur son, sur sa pancarte « Décapiter ceux qui insultent l'islam ». Alors, certains qui nous écoutent vont dire « Ouais, mais bon, c'est des extrémistes, quelle audience ont-ils ?» Bah, suffisamment d'audience pour que Al-Qaïda au Yémen fasse exécuter les types de Charlie Hebdo, visiblement, vous voyez. Donc, voilà, c'est... Bon. Pour moi, c'est la, c'est les ré... c'est, c'était exactement ça qu'il fallait... C'était cette façon qu'il fallait réagir au plan politique. Moi, je déplore que Donald Trump ait fait dans les larmes. Hein. Bon, déjà, moi, par principe, de son, je pleure pas sur les malheurs des musulmans, du tout. Hein, on en a assez chez nous, hein, déjà, comme, je veux dire, de malheurs, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais ensuite, il faut être politique. Donald Trump aurait dû réagir politiquement. Et il aurait dû rebondir en disant, bah, vous voyez... voilà ce qui se passe quand vous laissez l'immigration incontrôlée se passer. Ça déstabilise les sociétés. Vous créez des tensions intracommunautaires. Enfin, il pouvait dire je condamne les actes de violence. Il pouvait le dire, hein, sans problème. Mais en disant, voilà, c'est une conséquence de l'immigration incontrôlée en Nouvelle-Zélande, comme en Australie et comme ailleurs. Si la Nouvelle-Zélande avait une politique très stricte d'immigration, y aurait-il eu des affrontements intercommunautaires? Oui, non, la question est ouverte, et en tout cas, c'est un phénomène global. Ça aussi, c'est important à souligner, c'est pas limité à la Nouvelle-Zélande, c'est pas limité à la France, c'est global. C'est quand même étonnant que les musulmans qui s'installent dans les pays occidentaux ont pour premier réflexe d'abattre des occidentaux. C'est quand même curieux, je veux dire. Alors, visiblement, la diaspora chinoise, la diaspora coréenne n'a pas ce type de réflexe. Voilà. J'aurais aimé que Trump le fasse, il l'a pas fait. Et ça lui a valu un crachat dans la gueule de la part du chef du gouvernement, enfin de la pétasse qui gère la Nouvelle-Zélande, avec un voile sur la tête, tandis que Anning, lui, eh ben, il a fait les déclarations suivantes, c'est-à-dire les déclarations de bon sens. Voilà. Est-ce que Derek, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, sur... Ce qui lui a valu l'écrasement d'un œuf sur le crâne par un jeune gauchiste de 17 ans. Un crétin, 17 ans. Oui, enfin, il lui, Lui a répondu... Un crétin qui s'est mangé un pain dans la gueule. Voilà, voilà, il a été vivement corrigé, hein, quand même. Hein. Ce qui fait plaisir. Ouais, c'est bien de voir dans ces coins-là que tu as encore le groin européen qui est présent, tu vois. Les gens qui tortillent, tu vois. Ils sont là, ils sentent quelque chose dans la terre et puis ils remuent, quoi, tu vois. C'est ça. C'est très bien. Bravo Fraser. Alors, je souligne que c'est vrai qu'avec cet attentat, à aucun moment on n'a entendu parler « Oui, mais c'est un loup solitaire, c'est un déséquilibré, il n'y a aucun rapport avec le nationalisme ou alors avec le patriotisme, etc. » Non, c'est l'extrême droite, le complot. Et là, ils n'ont pas hésité. Hein, je veux dire, il n'y a pas eu le semblant d'une hésitation. Pas d'amalgame, ouais. Ah ouais, là, ça a été unanime, hein, je veux dire. Hein, bon. J'observe, là je parle uniquement du traitement médiatique. Les médias n'ont pas cherché à minauder, à gagner du temps. Hein. Je veux dire, ils ont été tout à fait clairs. Hein. Bon, bah, sur ces entrefaites, il faut augmenter l'immigration, j'ai presque envie de dire. Oui, on pourrait parler un petit peu du terme aussi islamophobie. Donc, ce qui est phobique, c'est normalement c'est les gens qui ont peur, donc une peur psychiatrique, et donc ils méritent l'internement psychiatrique. Et souvent, un certain nombre de musulmans ou un certain nombre de gens de gauche favorables à l'immigration, souvent on place le terme islamophobie, mais c'est parfois des gens, ou c'est même chez Soral et compagnie, et c'est des gens qui prétendent combattre le système. Et en réalité, ce terme islamophobie, il est entré dans le vocabulaire par le biais des journalistes, des gens, des médias. Donc c'est des gens, par définition, qui tiennent le système. Il y a une vidéo d'Aldosteron qui s'appelle justement Islamophobie, qui est assez courte, je vous recommande, il résume bien cette problématique. Et là, vous avez des gens qui défendent plutôt l'islam, qui là sont un peu piégés, parce que, ou en tout cas, c'est pas qu'ils sont piégés, c'est que leur discours apparaît encore plus creux, parce que ils viennent nous dire, par exemple, sur égalité et réconciliation, on voit Marine Le Pen est islamophobe. C'est-à-dire Marine Le Pen est trop défavorable à l'islam, trop défavorable aux musulmans, ses jugements sont trop sévères. Mais après, alors du coup, comment mettre à la fois dans le même sac celui qui a commis cet acte, dans la mosquée de Christchurch et Marine Le Pen. Ça me semble quand même un petit peu gros de faire aucune nuance, sachant que Marine Le Pen n'a jamais demandé à ce que l'islam soit interdit. Elle n'a jamais dit qu'il fallait fermer les mosquées, sauf peut-être des mosquées reconnues comme djihadistes. Elle ne recommande l'expulsion que de gens qui seraient fichés S, ce qui représente quand même une petite partie seulement des immigrés musulmans. Donc elle est quand même très modérée sur ce sujet. Ah oui, plus que modérée, on va y revenir. Mais oui, l'islamophobie, c'est un terme complètement piégé, c'est un terme fallacieux créé par les musulmans eux-mêmes, en tout cas instrumentalisé par eux, puisque il suffit de le déconstruire. Islamophobie, phobie, la peur d'eux. En soi, d'ailleurs, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir peur, je comprends pas. Donc c'est la peur de l'islam. Voilà, islamophobie, c'est la peur de l'islam, et c'est dénoncé par la presse. Voilà, c'est un attentat islamophobe, une attaque islamophobe, des propos islamophobes, l'islamophobie progresse, etc. Bon. La peur de l'islam progresse. Prenons ce terme à la lettre. Si on trouve dans la presse l'islamophobie progresse, ça veut dire que la peur de l'islam progresse dans les esprits, dans le monde occidental, en Europe, en France. Qu'est-ce qui cause cette peur? Ça veut dire que les musulmans ne feraient jamais rien qui suscite de la peur, qui entraîne non, de la peur. Non, c'est une peur irrationnelle. C'est une folie, tu sais, là. Attends, c'est une peur irrationnelle tout ça. Si tu acceptes les musulmans, tu vas te rendre compte qu'ils sont gentils. C'est vrai. Qu'il faut les faire venir sur le territoire. Voilà, tout de suite. Bah, éventuellement, ils le sont déjà d'ailleurs. Puis éventuellement une petite shahada avec une prière à la République. Et tu auras des bons sentiments à l'égard de l'islam. Ah, bien sûr, n'oubliez quand même jamais que les Blancs ont élu quelqu'un qui a mis 6 milliards de juifs dans des trains pour ensuite les brûler, pour ensuite d'en faire du savon. Donc, si vous pensez que ce peuple a un peu de rationalité, excusez-moi, mais reprenez les cours d'histoire, reprenez les études, et vous comprendrez que là, vous n'avez pas tout compris à l'homme blanc. Non, non, l'homme blanc, c'est pas du tout ce que vous croyez. L'homme blanc, c'est un grand méchant. Il est très, très méchant. Suffit de se balader pour le voir. Ouais, je pense qu'il faut pas trop faire chier l'homme blanc parce que il a de la patience, mais au bout d'un moment, ça commence à faire des frictions. Oui. Ça devient blanc et professionnel. C'est ça. Oui. Très, très, très. Comment dire donc islamophobie, terme piégé qu'on a désingué, qui maintenant est rentré dans l'arsenal de la répression. Évidemment, ça va s'accroître. Et aussi un axe important qui a été mis en avant par l'action en question, puisqu'elle a été revendiquée comme telle, puisque, comme on le sait, Brenton Tarrant, qui a commis l'acte, a écrit un manifeste, d'environ 70 pages, je crois, dans lequel il explique son geste, sa portée, qu'est-ce qu'il voulait faire, le message, etc., qui s'intitule The Great Replacement, le grand remplacement, qui nous vient directement de Renaud Camus. Hein, il n'a pas inventé le terme Renaud Camus, mais il l'a popularisé. Et il a essayé de théoriser tout ça. Donc, qui est en fait, c'est quoi le grand remplacement? C'est le remplacement. Alors, Renaud Camus a une vision beaucoup plus large que ça, c'est pas uniquement lié à la question migratoire, mais ça, c'est autre chose. Pour l'aspect qui nous intéresse, c'est la politique migratoire mise en place depuis un demi-siècle dans le monde occidental, et qui vise en fait à repeupler ce même monde occidental par de l'immigration. Alors, très sérieusement, les médias du système, qui ne sont pas du tout contrôlés par des groupes d'intérêt, hein, nous disent que c'est une théorie complotiste et fallacieuse. Mais dans le même temps, chaque jour que Dieu fait, dans cette même presse, on vous explique qu'il faut accueillir les migrants. Hein, c'est dans leur presse, hein, c'est marqué en toutes lettres, il faut accueillir les migrants, politique d'immigration, comment allons-nous financer nos retraites, etc. On nous explique, on a des chiffres, hein, aux États-Unis, on a des chiffres officiels d'immigration, tant de centaines de milliers, des millions, des quarts, des naturalisations, bon, il y a un phénomène. Les gens observent dans la rue qu'il y a une modification du peuplement, mais ça c'est une théorie complotiste. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une théorie complotiste, il faut faire avec, on nous l'a dit, c'est comme ça. Et ça c'est au cœur de son discours. Alors, voilà pour les présentations, donc la presse dit que c'est complotiste, l'auteur des faits dit qu'au contraire, ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. Marine Le Pen est interrogée, et j'ai trouvé que cette réaction méritait vraiment d'être discutée ici. C'est dans le Huffington Post, et finalement toute la presse s'en est étonnée pour s'en moquer. Alors là, je cite le Huffington Post d'aujourd'hui, hein, dimanche, hein, l'émission enregistrée dimanche. Marine Le Pen a déclaré qu'elle ne connaissait pas la thèse du grand remplacement, développée par Renaud Camus et citée par l'auteur du carnage de Christchurch en Nouvelle-Zélande lors de l'émission du Dimanche en politique sur France 3, ce dimanche 17 mars. Le grand remplacement, est-ce une théorie qui existe au Rassemblement national ? Interroge le journaliste. Marine Le Pen répond alors immédiatement « D'abord, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. Je n'ai jamais utilisé ce terme-là. Mais ce n'est pas le sujet. » Pour rappel, les partisans de cette théorie complotiste, là je cite le Huffington Post, hein, de cette théorie complotiste et raciale, considèrent que la population blanche européenne et chrétienne est remplacée de manière organisée par une population immigrée de couleur et musulmane et accusent le multiculturalisme d'en être la cause. L'adhésion à cette thèse est deux fois plus forte chez les sympathisants du Rassemblement National que parmi la moyenne des Français, selon une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch publié en février. Précisons que Conspiracy Watch est dirigé par le juif Reichstadt. Reichstadt, voilà. Donc un observateur ouais, neutre et par ailleurs affilié au CRIF. Trois fois rien. Et... qui est notre de gros porc hébraïque. Effectivement. Je pense qu'il nous écoute, hein. On pourrait peut-être le saluer. Ah bah, salut. Oui, shalom. Salut juif. Shalom. Comment dirais-je donc Marine Le Pen continue. Hein. Marine Le Pen a noté que le tueur citait beaucoup de gens et beaucoup de choses et n'importe quoi d'ailleurs dans son manifeste, je passe le détail. Au RN, nous n'avons jamais lutté contre les musulmans. Nous ne luttons pas d'ailleurs contre l'islam, qui est une religion. Nous luttons contre le fondamentalisme islamiste, qui est une idéologie qui a fait des centaines d'attentats dans le monde, y compris contre les mosquées. Ah oui, c'est important ça. A fait valoir la députée du Pas-de-Calais. Selon elle, il n'y a pas d'islamophobie en France, ni de mouvement d'ailleurs qui expose une théorie contre l'islam. Il y a des gens qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. Lors de la rentrée politique à Fréjus dans le Var, en septembre, Marine Le Pen avait dénoncé sur Twitter une immigration qui fera disparaître par dilution ou substitution, culture et mode de vie, s'en prenant à la folle politique immigrationniste de l'UE. Voilà. Alors, c'est curieux de la part de Marine Le Pen, puisque déjà interrogée sur cette question, il y a déjà maintenant, pendant l'élection présidentielle, elle avait dit que c'était... Alors, elle connaissait la théorie, mais elle dit que c'est une théorie conspirationniste. Donc maintenant, elle ne la connaît plus. Bizarre, hein. C'est, hop, ça chauffe un peu. Ah, je sais pas. De quoi, j'ai jamais entendu parler. C'est quoi, ce truc-là? Voilà. Bon. Donc... Au FN, vous le saviez, je pense, donc on ne lutte pas contre l'islam, c'est entendu, ni contre les musulmans, c'est encore plus entendu. Je sais, oui, contre les radicaux, donc ça doit faire... On ne sait pas ce qu'est un grand remplacement. Donc, Non. Qu'est-ce que, quoi les Français remplacés par des nègres, oui. des creux... Oui, parce que la théorie du grand remplacement, là, ils disent que c'est lié à l'islam. C'est du complotisme. C'est lié en partie à l'islam, mais le mot grand remplacement est beaucoup plus large que ça. Il questionne la politique d'immigration non-européenne dans les pays européens qui est voulue par les élites. La preuve, c'est voulu par les élites puisque ça se passe. Donc, c'est pas contestable. Mais disons, c'est un terme très large. Mais sur la question de l'islam, Marine Le Pen répond « Non, nous, l'islam, ça nous va très bien. » Même les musulmans, etc. Bon, d'accord. Grand remplacement, connaît pas, jamais entendu parler. C'est pas du Fraser Anning, hein. Non, hein. Ouais, et puis c'est mal exprimé. C'est-à-dire qu'on sait même pas quand elle parle, là. On n'arrive même pas à comprendre si jamais elle parle du grand remplacement comme mot qui est plus ou moins passé dans le langage courant, ou bien si elle ne connaît pas en détail ce que raconte Renaud Camus, même si je crois que le vrai inventeur du terme, c'est Martin Pelletier, qui semble beaucoup plus sympathique d'ailleurs que Renaud Camus, à mon avis. Mais en tout cas, elle aurait pu dire, moi je ne connais pas Renaud Camus, mais il y a peut-être une substitution de population qui se fait. Elle aurait pu dire un truc comme ça, mais là c'est tellement mal exprimé que c'est ridicule, franchement. Bah... On peut pas avoir comme compagnon Louis Alliot qui a des emmerdes avec la justice parce que Mohamed, hein, il est en train de lutter contre le grand remplacement. Hein. Il y a des contraintes. Ouais. Il y a des contraintes. Hein. D'ailleurs, il y a un chrétien copte, là, Jean Messia, qui est un des lieutenants maintenant de Marine Le Pen, qui avait déclaré que l'islam n'était pas compatible avec la République française, avec la France. Là, il contredit totalement la ligne du parti. Hein. Ouais, Et après, il a été sommé de s'exprimer. Il a dit qu'il y a un certain nombre de musulmans qui sont des gens sérieux, des gens avec qui on peut travailler, mais l'islam dans sa totalité est quelque chose qui, dont les fondamentaux, dont les fondements justement ne sont pas compatibles. Il a maintenu. Bon, moi, je trouve assez bon ce type-là. Bon, il faut que ce soit un Égyptien en fait qui dise des choses un petit peu sensées au Front National. Il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, aussi, il y a Ravier et quelques autres, mais c'est quand même assez rare. Bah, oui, enfin, ouais. Lui, il a le passe-droit, mais moi je suis métèque, donc c'est je peux ça. Dire un petit peu plus. Que, hein. Oui, de oui, son mais... vrai nom, Ostam Boutros Messia. Ossam. Pas, ouais. Ouais, Ossam. Ossam, Ossama. Hein, je... Bon. Ossam, dans le nez. Dans le nez. Oui, aussi avec le nez. Particulièrement marqué, donne le surnom de Phare d'Alexandrie. c'est-à-dire que quand c'est pas un PD comme Philippot, ça doit être un métèque. C'est, au Front National, c'est fascinant ça. Je veux dire, ils ne peuvent pas recruter des Français. Ils arrivent pas. On dirait qu'ils ont du mal. Il y a Nicolas Bay qui essaye un peu, bon, mais non. Et alors Marine Le Pen, moi ça me fait marrer parce qu'elle parle de fondamentalisme islamique. Alors elle a du mal avec ce mot-là. Elle dit jamais fondamentalisme islamique, elle est toujours fondamentaliste islamiste. C'est bien, c'est redondant, je sais pas pourquoi. Et alors le problème, c'est quelle circonférence ça, le fondamentalisme islamique. Ça fait combien de personnes ça. C'est parce qu'il faut les déterminer qui est fondamentaliste. Comment on fait ça. J'aimerais bien savoir parce que je veux dire, à mon avis, il y a beaucoup plus d'Arabes. Qui sont en train de faire les cons sur leur scooter ou en boîte de nuit, que en train de prier comme de pieux musulmans à la mosquée, hein, mon sens. Hein. Et pourtant, j'ai tendance à croire que les musulmans en scooter qui foutent la merde sont au moins aussi nuisibles que les autres. Je sais pas. Oui, bah, sur ce sujet, elle fait confiance au fichier S, enfin au fichage S, et elle estime que ceux qui sont fondamentalistes, c'est ceux qui sont fichés S pour risque de violence terroriste et autres, et elle demande leur expulsion, ce qui est quand même normal, et bien la moindre des choses. Bon, je mettrais quand même à son crédit. C'est-à-dire, comment ? Au niveau démographique, c'est que dalle, quoi. C'est quoi, 15 000 pelés, quoi, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'en gros, expulsons ceux qui sont susceptibles un jour peut-être d'emmerder des Juifs. Voilà. Ouais, c'est après, pas... je mettrais quand même à son crédit, bon, pas faire son apologie à Marine Le Pen, mais il n'empêche que, historiquement, elle a dénoncé le terrorisme islamiste. Bon, c'était après le 11 septembre, bien sûr, tout ça, bon, toute une histoire très louche, mais il n'empêche qu'elle a parlé du terrorisme avant qu'il n'y ait eu Charlie Hebdo et autres, c'est-à-dire qu'elle a, elle non, a pris cette option qui est apparue quand même. Le père Le Pen en parlait dans les années 80. Le père Le Pen en parlait dans les années 80 du risque de terroriste à mort immigré dehors. Hein, ça date des années 70. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais il y avait toute une frange, Asselineau et compagnie, qui avait dit, qui avait démonté Marine Le Pen en disant mais non, il n'y a pas d'attentat. Regardez, tout est bidon. À Madrid, c'est bidon. Le 11 septembre, c'est monté de toutes pièces. Ah, le 11 septembre, c'est un fait. C'est un attentat organisé. Enfin, c'est mon point de vue. Chacun pensera ce qu'il voudra. Mais c'est un attentat organisé par le gouvernement américain et surtout derrière ce qu'ils appellent maintenant l'État profond américain, qui fait d'ailleurs obstruction à Trump. Et dès qu'il essaye de se retirer d'un théâtre d'opération en Syrie, ou ailleurs, il est immédiatement combattu par tous ces gens qui viennent de la droite, de la gauche, qui viennent de la CIA, qui viennent de partout. Bon, c'est ces gens-là qui ont piloté ce truc-là. Les Saoudiens ont fourni les idiots pour occuper les places dans les avions en tant que terroristes, mais tout le boulot a été fait en amont. On sait que les mecs étaient suivis par les services israéliens, tiens. Bon, tout ça est cousu de fil blanc. Mais ce qui ne veut pas dire, enfin, il faudrait être stupide pour dire que le djihadisme international n'existe pas en propre. En revanche, il faudrait aussi être stupide pour nier le fait qu'il a été habilement instrumentalisé par les services secrets pakistanais, les services secrets saoudiens, les services secrets américains, les services secrets français ou britanniques. N'oublions pas que les services secrets français ont soutenu les islamistes en Syrie pour renverser Bachar al-Assad. C'est public, c'est une politique. Donc, comment dirais-je, tout ce beau monde-là se retrouve. Donc quand Asselineau enfin, je ne sais pas quelle est sa position actuelle, mais quand il dit de l'islamisme ou ça comme ça, moi je n'ai rien vu, il se fout de la gueule des gens. Hein. Mais on sait qu'Asselineau aime les gens marrons en général, aime beaucoup l'Afrique en particulier, et a vraiment une envie pathologique d'en découdre avec tout ce qui peut être blond ou germanique, et est prêt à s'associer à tout ce qui peut ramper sur cette planète pour essayer d'abattre des blancs. Hein, c'est sa passion, voilà. Du coup, n'oubliez pas, je veux dire, regardez bien, là peut-être que je vais en parler, après je vous redonne la parole, mais c'est l'attitude de l'extrême-gauche en général et de la gauche. Parce que je parlais des musulmans, j'en ai dit tout le bien que je pensais, mais il faut aussi parler de la gauche vis-à-vis de l'islam, et des islamistes, spécifiquement des islamistes. Bon, moi je fais un bloc invasif, disons, mais bon, pour distinguer, je veux dire, les activistes musulmans engagés, politiquement ou militairement, disons. Bon. À côté de ça, on a les mecs de gauche. Moi, je suis quand même frappé de voir, sur les réseaux sociaux, non pas l'aveuglement, mais le fait que, on va dire, la gauche qui est... tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, d'accord ? Tout ce qui est à gauche du PS. Ça fait du monde, hein ? À gauche, ça fait 20% de l'électorat. Je dis pas que tout l'électorat est comme ça, mais je veux dire, les gens qui sont actifs dans cette mouvance, ces gens-là couvrent les islamistes. Et je l'ai constaté moi-même. Je l'ai constaté, je l'ai vu. Et je l'ai vu pas qu'avec un, je l'ai vu de manière récurrente, systématique. C'est-à-dire, vous leur donnez des faits, vous leur dites, attendez, là, il y a ça qui se passe, il y a un tel qui est impliqué, cette mosquée, ceci, ce truc, etc. Les types n'écoute même pas. Ils disent non, fasciste. Je parle pas d'antifa, là. Hein. Je parle de gens qui ont une vie normale, etc. C'est-à-dire que les types sont dans le parti pris pro-musulman, déjà. Ça se développe. Et ça veut pas dire. Donc je dis bien que c'est pas des gens qui sont aveugles. C'est des gens qui choisissent leur ennemi. Et pour eux, l'ennemi, ça peut être l'État dans une certaine mesure, une certaine force qu'ils perçoivent être l'État, mais surtout, plus fondamentalement, les populations blanches, parce qu'ils sont rongés par une haine d'eux-mêmes. Hein. Bon. Et je reviens à Asselineau. Quand Asselineau dit, notamment c'était en 2017, lors de la campagne présidentielle, on lui pose des questions, je crois que c'était d'ailleurs Hugo Clément qui lui avait posé la question suite aux attentats, où là, il essayait de botter en touche pour pas dire du mal des musulmans, c'est pas parce qu'il comprend pas. Il comprend tout, mais il a choisi des ennemis, donc des alliés, au moins par défaut. Donc ça suppose de cacher ce que font les musulmans. C'est ça les noms. En fait, il y a beaucoup de non-dits qui en disent beaucoup plus long que les déclarations elles-mêmes, en fait. Et quand vous avez les mecs qui essayent comme ça de minorer, de faire mine de pas comprendre, de dire oui mais vous savez c'est pas vraiment très important, c'est pas représentatif. Ces gens savent ce qu'ils font. Ces acteurs politiques savent ce qu'ils font. C'est pas des demeurés. Ils ont simplement choisi leur camp. Voilà. Oui, il y avait la fameuse phrase, on lui a posé une question, une petite seconde. Vous n'avez pas parlé, monsieur Asselineau, du terrorisme islamique, islamiste, comme dit Marine Le Pen, justement. C'était au moment du Bataclan, peu de temps après, je crois. Et il a dit, et alors ? Tout simplement, et alors ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'attentat le plus sanglant depuis très longtemps en France, où il y a une centaine de Français qui sont exécutés par des islamistes, ce qui est quand même extraordinaire, je veux dire. Au sens strict, extraordinaire. Ça appelle un commentaire de la part d'un responsable politique qui veut être président de la République. On est bien d'accord. Et le type, sa première réflexion, c'est « Et alors ?» Vous voyez, ça, c'est la froideur du calculateur, quoi. Là, les gens ont pu voir ce qu'il est humainement, ce mec. Cette espèce de gros chat châtré qui vient poser sa gueule, là. Le type est une ordure, humainement. C'est une ordure. C'est une vérole. Puis attention, vraiment, il est un but lui-même en plus, hein, cette espèce de... Ah oui, non mais moi je l'ai capté déjà, tu vois, le type qui m'explique que je suis plus proche qu'un Béninois, qu'un Estonien, oui. Déjà, pour moi, ça mérite le camp de rééducation, pour commencer. Mais en plus de ça, là, il a fait une prise de guerre, c'est une élue de la France Insoumise. Et... ouais, il y avait déjà le fils Entoven aussi, hein. Ouais, c'est... alors c'est ça. Et en fait, il montre sa petite prise de guerre. Et il est d'une obséquiosité Ah avec voilà, cette gonzesse. Mais c'est dégueulasse. Alors, il a fait une vidéo. J'ai regardé ça pour me marrer. Il la présente et il la cire. Mais vraiment, tu vois, il lui caresse le poil. Il dit, alors, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous êtes? J'aimerais vous connaître, madame. Mais c'est vraiment, mais tu sens le candor là, qui est prêt à. Le mec est souverainiste. Je suis persuadé qu'on peut négocier le prix de ses couilles. c'est ça, oui, il fait la prétention à être maître chez soi, mais en fait, le type, il est déjà en train de ramper devant une sous-secrétaire de la France Insoumise qu'il a débauchée, on sait pas trop comment. Ouais, c'est pitoyable. Ouais. Ouais, quand les musulmans votent, ils votent extrêmement souvent à gauche, hein, sur le plan politique, c'est 95% à peu près. Donc Asselineau, il est, enfin, je sais pas si on peut le classer, il avait été classé d'ultra-droite par des antifas, bon. Mais bon, il est évidemment beaucoup plus proche de la gauche que de la droite, au sens, voilà, quand même, l'ordre, la sécurité, le refus de l'immigration, un certain libéralisme économique. Asselineau, c'est pas ça du tout. Alors, Si bien qu'il ait été adjoint de Charles Pasqua. tu dis les musulmans votent à gauche. Alors, précisons, c'est pas qu'ils votent à gauche, c'est qu'ils votent pour ceux qui vont détrousser les blancs pour les financer eux avec de l'assistanat. C'est un petit peu différent. Et la gauche s'engage à le faire et elle le fait très bien. Voilà. Parce que. Et Asselineau est tellement de gauche, comme ça a été dit, que il est particulièrement apprécié par le physicien gauchiste belge Jean Bricmont. Tout le monde peut le constater sur Facebook. Ah oui, Bricmont. Bon, il est rigolo avec son côté anarchiste pro-liberté d'expression, ça peut s'entendre. Enfin, ça va pas beaucoup plus loin, hein, quand même. Non, d'accord, mais il a une certaine Oui, activité sur oui, Facebook et. Pour ceux qui ont accès à Facebook, je pense que c'est intéressant d'aller taper un coup d'œil sur le compte de Monsieur Jean Bricmont, je trouve. Alors, Astérix, vous voulez prendre la parole, après je veux dire un truc sur Erdogan. Oui, ben moi je voulais dire, vous savez, c'est mon dada, je vais revenir sur ce que je dis dans beaucoup d'émissions. Pourquoi des gens peuvent soutenir une espèce de merde humaine, une loque humaine telle qu'Asselineau? En fait, c'est que les gens n'ont plus de. Ils n'ont plus de sixième sens, ils n'ont plus de ventre. En fait, quand tu vois Asselineau, normalement, tu n'as même pas besoin d'écouter son baratin. Ça n'a même pas besoin de passer par l'analyse. Normalement, tu reçois une information directement au niveau du sternum et qui te dit, cet homme-là est une triple buse, il ne mérite que de remplir, de faire des dossiers. C'est une secrétaire, quoi. Comme tu le disais, il est châtré, c'est une espèce de femme qui produit du gras à la chaîne. C'est une usine à beurre, ce mec. Et logiquement, en fait, le corps refuse ce type d'homme. Et si vous observez les gens qui aiment Asselineau, ses soutiens et tout, je vous garantis qu'il n'y en a pas un seul qui fait du sport. Il n'y en a pas un seul qui peut courir plus de 10 km, qui peut marcher plus de 3 heures, qui peut nager plus de 15 minutes. Je vous assure que vous avez affaire à des loques humaines postmodernes, avec des épaules de serpent, des petits corps à grosse tête, comme aimait les appeler Soral. Une de ces expressions qu'il faut retenir parce qu'elle mérite d'être retenue, quoi. Et ben, les fans et les soutiens d'Asselineau sont exactement ce genre de type. C'est pourquoi moi souvent je dis qu'en fait, aujourd'hui, l'homme européen, c'est pas l'analyse qui lui manque, en fait. C'est juste de retrouver son ventre, quoi, de retrouver son centre, son cœur. Et là, des informations lui parviendront à la vitesse de la lumière, quoi. Même instantanément, il saura qu'Asselineau est un cafard ambulant, un cafard à visage humain. Alors, je voulais terminer sur un dernier point, c'est que on n'est pas sur juste une petite fusillade à l'américaine, parce que je sais qu'il y aura cette tentation, évidemment, de la part de certains commentateurs d'assimiler ce qui s'est passé à Columbine, ou à d'autres fusillades comme ça, en fait, en y voyant une espèce de nihilisme qui se traduirait par un accès de vengeance, un accès de violence en tout cas, mais qui serait narcissique. Là, je pense que c'est une erreur très grave. Si c'est comme ça que c'est présenté par certains observateurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un acte d'abord et avant tout politique qui a été commis et donc qui entraîne des réactions politiques. Et je crois que la réaction, la politique la plus intéressante qui nous est parvenue, il y en a eu deux en fait. Il y a d'abord celle du Premier ministre pakistanais qui a qualifié de martyr une des personnes présentes dans la mosquée et qui va le décorer en tant que tel. C'est très intéressant, parce que le registre du martyr, c'est celui de la guerre sainte. Alors, il n'y a pas de guerre sainte en islam, il y a le djihad, mais c'est celui de la confrontation religieuse et eschatologique, quoi, très clairement. Bon, c'est un registre un peu particulier, venant d'un gouvernement vis-à-vis d'un autre État. Bon, visiblement, ça traverse les frontières, il y a un type de discours, un type de vocabulaire qui est retenu, qui est assez particulier, hein. On dit pas, c'est triste, c'est ça, on parle de martyr. Bon. D'accord. Mais la réaction d'Erdogan va encore plus loin, puisque Erdogan a envoyé toute une délégation officielle en Nouvelle-Zélande, dont le vice-président. Dont le vice-président turc, en Nouvelle-Zélande, avec l'accord de la connasse en voile dont on a parlé, qui sert de Premier ministre à ce pauvre pays. Alors là, ça devient très intéressant. Parce que quel est le rapport? Alors je crois qu'il y a un Turc qui est mort, ou un ou deux Turcs, très bien. Mais enfin,